Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 20 décembre 2012. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle François-Olivier Marchand. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières pour la dernière en direct de la session. Oui, et ça tombe bien parce que demain, c'est la fin du monde. Donc, On l'avait prévu d'avance, nous, hein, donc on s'est dit, bon, on va arrêter à l'avance. On était avant. C'est ça, parce que si on finissait avec nous autres, ce serait assez déplaisant. Quoi que les palmarès repassent le vendredi soir. Ouais. Donc, mais, on n'est pas sorti du bourg. Et malgré que, aussi, on voulait peut-être se lever un peu plus tard pour la dernière journée. Ben, c'est ça, profiter un peu. Quoique, si tu te lèves tard, tu profites pas vraiment de ta journée. Hein? Non, je sais, mais t'es bien mieux de mourir reposé. Je serais mort heureux. On pourrait justement en parler à Stéphanie Paradis, qui est avec nous en studio. Bon matin. Bon matin. Elle s'est levée de bonne heure, 2 jours de suite, juste pour le fun, tu sais. 2 jours de suite? Ben hier, t'avais pas ton gars du madame qui venait chez lui. Ah oui? Ouais, à quelle heure il est passé, putain? Finalement, il est passé à 10h30, fait que je me suis levée pour 7h, beaucoup trop... OK, ouais, non. Eux autres, ils donnent en fait une plage horaire. Ouais, moi je pensais que ça allait être comme, tu sais, de 9h à midi, comme toutes les compagnies. Non, c'était de 7h30 à midi. Sérieux, 7h30? Ce qui laisse vraiment un pas pire gros laps bizarre de temps à attendre. T'es encore en pyjama, au pire, t'écoutes Assemblage requis, tu sais, pénal... Toute peinarde et nonchalante. Oui, c'est ça, et d'autres mots comme ça. Et puis, ce matin, Stéphanie est avec nous pour une nouvelle chronique qu'on appelle évidemment la chronique de Stéphanie. T'sais. Ouais, c'est ça, ça se peut que ce soit mauvais. Ça puis, pourrait. Sinon, bon, on dérapera sur d'autres choses. Hein? Ben ouais, si c'est mauvais, on repassera une vieille chronique de ce slogan « Va comme un gant », puis vous allez demander que je revienne vous parler. Par comparaison, ça va être vraiment bonne par rapport c'est à cette chronique. T'es fine, hein? C'est comme une pine, mais comme trop gentille, tu sais. C'était pas vraiment méchant. Tu devrais t'inspirer de François-Olivier pour les pines. Pour les pas pines? Méchant. Ben là, il arrive un matin, bon, pas Stéphanie, pas elle encore. Oh non, mais c'est amical. Oui, je me sens tellement apprécié quand j'y suis. C'est amical. Ici. Oh, oui, arrête. J'aime ça. Vrai. Sinon, tu viendrais plus. Ben, j'imagine. C'est la technique qu'on a utilisée avec David Ferron. S'il n'aimait pas ça, il ne reviendrait pas. Ah, puis il est revenu hier. Ben oui. Il est revenu à notre porte. Il a cogné. Il voulait venir. Bon, il n'avait même pas demandé de venir. Puis il est venu pareil. Donc, il est ça. C'est ça. Aujourd'hui, l'émission, entre autres, Stéphanie Paradis, on va aussi avoir Maxime Bétuy. Oui. C'est sa dernière chronique à vie, lui, par contre. Il s'en retourne en France. Donc, il va nous faire une chronique ciné-télé. Cette semaine, spéciale Golden Globes. OK. Et moi, ne connaissant rien aux Golden Globes, vous, est-ce que vous connaissez quelque chose de ça? Pas du tout. Pas grand chose non plus. Ça va bien aller, ça. Je lui ai dit, je connais rien là-dedans. Au pire, on dira n'importe quoi. Hein? Oh, ça, je suis sûr qu'on va être bon. On est habitué. Et lui, de me répondre, ah, c'est beau le boulot d'animateur. On va faire n'importe quoi. J'ai bien hâte. C'était à 8h tout à l'heure. Et puis, sinon, ben, on aura aussi la chronique C'est un fait. Encore une fois, un peu comme tous les jours cette semaine, ça remplit très bien un trou, hein, C'est un fait. On va faire donc un petit mishmash entre C'est un fait Regular Edition et un Kinky Sexy Time. Comme toujours, on va avoir du plaisir. On va étirer la sauce. À souhait. À souhait. La sauce étant un euphémisme pour un liquide qui sort de... Hein? Comment? Non, non! Hein? Quoi? Pense à d'autres choses. Oui, OK. Ouais. On commence l'émission avec Kettling. Voici Block Party. Assemblage. Essayez d'enlever cette image de votre tête. C'était Astra et The Choke. The Choke. Espérons que la fin du monde va choquer. Ah-ha. Ouais. En effet. Là, vous avez pas le goût de mourir? Non. Steph? Non, mais non. Fin du monde, non? Non, mais là, je sais pas. Là, je descends à Gaspésie demain. Ça me tente pas d'être sur la route. Sur la route, ouais, c'est ça. C'est t'essayes de programmer ton horaire en fonction de la fin du monde, mais tu sais pas à quelle heure va être la fin du monde. Ouais, c'est ça. Tu sais, je trouverais ça poche d'être dans le trafic ou en voiture. Pogné dans le trafic, ouais. Il y a Michael Da Silva qui prend l'avion demain pour se retourner en France. Oui, mais ça dépend. Si c'est à une heure fixe, il va peut-être réussir à sauver. Tu sais, peut-être que la fin du monde va le suivre. Va avoir les zones horaires, tout ouais, ça. C'est ouais, ça. Ça a bien de sens. Ça doit pas exploser partout en même temps. Peut-être. Non? C'est la fin du monde. En tout cas, hey, on voit qu'on connaît le sujet, on connaît la science et la technologie. Donc voici la chronique Geeks et Yannick. Aujourd'hui dans la chronique Geek Scenics, on a décidé de faire un petit retour sur l'année 2012, là, mais en termes de logiciels et d'applications. Parce que tu sais, bon, en termes de matériel, ça va, il s'est passé bien des choses. Deux iPads dans la même année, la Wii U, plein d'affaires comme ça. On y reviendra peut-être au début janvier. Parce que, et c'est drôle, là, mais les sites de technologie, les sites qui ramassent l'information pour nous, les animateurs, parce que tu sais, on travaillera pas nous-mêmes quand même à faire notre propre résumé. Là, voyons, on a trop de gens. Ils sont pas encore sortis parce qu'on est juste là, quand même, on est qu'à la date le 20. Tu sais, il reste encore aujourd'hui toute la journée, puis demain avant que les articles sortent. T'sais. Donc, ce qui est sorti, c'est les logiciels, les applications, et je trouvais ça intéressant, donc parlons-en. Qu'est-ce qui a changé pour les logiciels, programmes, applications, systèmes d'exploitation, quelques faits marquants. Donc, difficile, ici, c'est un article de CNET France, difficile de résumer en quelques lignes toutes les nouveautés et changements intervenus dans le monde du logiciel en 2012. Il n'y a pas si longtemps, on se limitait à passer en revue les programmes pour ordinateurs de bureau, mais la mobilité a introduit les applications pour smartphones et tablettes, et c'est ça qui est le plus présent cette année. Depuis, on peut constater, on verra aussi dans les tendances 2013, dont on parlera après, que le tout est connecté par le nuage. Cette année, c'est le mot-clé que tout le monde aime, le cloud computing. Allez, le logiciel se met automatiquement à jour, se connecte pour sauvegarder les paramètres en ligne. On n'a plus besoin, quand on change d'appareil, de remettre tout dedans, à moins que tu changes de compagnie, François. Ouais. Mettons Android, de iPhone Android, ça n'a pas fonctionné dans ça? Non. Non. Non. Et l'inverse aussi, là? Ben, exactement. La même chose. Donc, on parle aussi de suite bureautique 100% en ligne. Commençons par les systèmes d'exploitation. C'est là-dedans que Microsoft a conçu son système d'exploitation Windows 8. Là, on parle du nuage. On s'est beaucoup attardé sur les nouvelles capacités tactiles du nouveau Windows à cause de l'incontournable interface Metro qui a été rebaptisée Modern UI en cours d'année. Mais le connecté a également pris sa place dans le système. Windows 8 est relié à Internet dès le démarrage via un compte Microsoft afin de synchroniser les paramètres. On le relie au net via SkyDrive, la solution de stockage en ligne de Microsoft. Apple a également mis à jour son système d'exploitation pour ordinateur de bureau Mac OS X Mountain Lion, qui a aussi intégré iCloud, l'intégration de Facebook, Twitter. Contrairement à Microsoft, l'OS reste sur les machines de bureau et c'est iOS qui prend toujours place sur les tablettes, donc pas le même système, alors que pour Microsoft, eux voulaient faire un seul monde. Côté smartphone, le système iOS 6 est sorti à l'occasion de l'arrivée de l'iPhone 5. On se rappelle de ça, François? Ouais. Bon petit moment, tu t'amuses encore là-dessus? Ouais, tout à fait. On y trouve une bonne dose de cloud et de fonctions connectées, ainsi qu'une meilleure intégration de Facebook. On trouve en plus des améliorations sur l'assistant fonctionnant avec la reconnaissance vocale Siri. Est-ce que tu te sers de Siri? Non. L'as-tu essayé, du moins? J'ai essayé. Une fois ou deux. J'ai essayé de dire des niaiseries. L'envoyer promener. Hein? L'envoyer promener, ouais, c'est ça. Ouais, tu peux lui dire que tu l'aimes. La traiter de pétasse. Non, j'ai pas essayé ça, par exemple. Essaye non. Ben, pas là. Je trouve qu'il y a de bonheur pour traiter quelqu'un de pétasse. Pour faire des coups de téléphone. On se fait poigner quand on fait des coups de téléphone, nous autres. Elle est pas subtile, ben non plus. Pas tellement. La grosse nouveauté, c'est surtout la disparition de Google Maps. Évidemment, le système d'Apple. Mais il est revenu en force, hein? Ben là, Google Maps est revenu récemment, c'était la semaine passée. Ouais. Mais Maps de Google, de Apple, a vraiment fait, comment dire, le chaos, l'apocalypse. Fausse route. Fausse route. Oh, je veux le monde de route, j'aime ça. Qui dit iPhone, iPad ou iPod dit iTunes. Réputé trop complexe, ils ont sorti iTunes 11, version repensée, qui quand même a l'air de plaire aux gens en ce moment. Toujours dans les systèmes mobiles, Android a continué son ascension en 2012 en prenant place dans de nombreux smartphones comme le Galaxy S3. Ça, t'as pas vraiment trippé? Non. C'est pas ton genre de système? Non. Trop différent? Ouais. Ouais. Puis tu sais, en fait, ce que je trouvais plate, c'est de pas avoir tes contacts, tu sais, dans le sens Mais une fois que ça aurait été fait. Ah, j'ai même pas essayé. J'ai même pas essayé. Ce qui est cool du système, par exemple, Galaxy S3, c'est que tes contacts, ils synchronisent directement avec Gmail. Ouais. Mais c'est rare. T'as pas être dans l'écosystème Apple, t'as pas à utiliser les contacts. Non, c'est ça. Ça, c'est cool. Tu veux mettre de la musique. Écoute, c'est super rapide. Tu peux. Comme une clé USB. Ouais, comme une clé USB, c'est ça, exactement. Et puis, tu sais, quand tu synchronises tes contacts avec Gmail, c'est rare que tu mets un numéro de téléphone dans tes contacts, courriel. Vrai. Bref, je le fais maintenant, mais chose que je faisais pas avant. Et puis, tu te ramasses, écoute, avec des courriels qui, des fois, te disent ma foi. C'est ça, parce que t'as envoyé un courriel à un moment donné, t'as pas besoin de l'avoir dans ton carnet d'adresse. C'est ça. Bref, on peut pas en dire autant pour en dire autant genre de qualité ici. Tu vois, les paragraphes sont faits en fonction que tu les lises un après l'autre. On peut pas en dire pour autant pour Windows Phone 8 qui a encore besoin d'étoffer sa boutique et de gagner en popularité. Le Google Play Store d'Android fonctionne très bien, mais le Windows Phone Store App Store Market truc ne fonctionne pas tant que ça. Non, 2013 serait une autre année décisive pour Microsoft, mais pas juste pour eux autres, pour RIM, Research in Motion et leur BlackBerry. Ils sortent BlackBerry 10 l'année prochaine. Tous les navigateurs ont évolué un peu cette année. Là, on parle de Chrome, Firefox, etc. Chrome est dans sa version 23. Firefox 17 est disponible depuis peu comme Internet Explorer 10 et Opera 12. Mis à part Safari, dont la version 6 est réservée au Mac, maintenant ils ont abandonné leur version PC. Je sais pas si tu savais qu'il y avait une version PC. Non. L'as-tu déjà utilisé? Non. T'es beau. C'était beau, c'était pas très compatible avec grand-chose, mais c'était beau. Ils ont intégré, donc là on parle ici de Safari, ils ont intégré, et non, et des autres aussi, où ils ont intégré le système anti-piratage DNT, Do Not Track, et certains, le HSTS, une autre façon de faire. On devrait parler de ce dernier en 2013, ça devrait être encore plus populaire. Do Not Track, c'est l'affaire qui empêche les sites de te suivre, de te pister sur Internet. Les antivirus ont continué d'évoluer. Beaucoup se sont adaptés au mobile, même si le réflexe d'installer une protection sur un smartphone n'est pas encore dans les usages. J'espère. Non, t'en veux pas, là. Que les iPhones n'en auront jamais. Non, mais toi, sur Android, tu sais, tout le monde dit il faut mettre l'antivirus, t'as l'affaire sur Android. Pourquoi? Non. J'ai abandonné le PC pour ça, là. J'ai pas de virus. Et au pire, tu réinitialises. Exactement. Vu que c'est dans le nuage, c'est moins grave de réinitialiser. Tu repognes toutes tes affaires, puis go ouais, for c'est it. C'est ça, exact. Voyons, non. Casse pas ta tête. Donc, on parlait dans ce cas-ci d'antivirus qui continuait d'évoluer. Réflexe qui pourrait se perdre sur PC. Là, on parle d'installer des antivirus puisque Microsoft a intégré une solution antivirus directement à Windows 8. Tant mieux. Pas sûr qu'il vaut grand-chose. Je sais pas. Je l'ai pas. Moi, Windows 8, je suis pas encore trempé dedans du tout et je peux pas. Pour l'instant, ça m'intéresse pas tant que ça. Je devrais sûrement l'essayer pour le connaître et savoir de quoi ça doit être le fun. Écoute, ça a l'air pas pire. Je sais pas. C'est beau. Pas compatible avec grand chose. En tout cas, pour les tablettes Surface, tu peux même pas installer d'application Windows en tant que telle. Non? Il faut non, pas sur les tablettes avec Windows RT, parce que les tablettes ont Windows RT, non pas Windows 8. Même okay. Si c'est le même look que Windows 8. En tout cas, bref, c'est bien compliqué. On retient l'arrivée de la suite Photoshop CS6 et de son équivalent grand public Photoshop Elements 11, VLC 2, disponible pour toutes les plateformes, lit maintenant le Blu-ray. Et LibreOffice continue de tracer sa route en version 3.6 après sa séparation du canal OpenOffice pour ceux qui veulent une alternative à Office de Microsoft. C'est bien ça. Maintenant, parlons un petit peu de 2013. Le CES, le Consumer Electronics Show, s'en vient. On avait parlé avec un invité il y a quelques temps, Sylvain Ricard, on s'en rappelle. Donc, ça s'en vient en début d'année 2013. Que préparent les développeurs pour cette année, l'année prochaine, concernant les logiciels et applis? On parle déjà de cette année. Hein. Bon, les gens sont prêts à vivre 2013. Après une année 2012 riche en événements, il faudra tout d'abord regarder pour l'année à venir l'évolution de toutes ces nouveautés. On fera un tour également du côté du CES, le premier grand événement high-tech de l'année, qui va nous éclairer sur ce qu'ont en tête les développeurs. Commençons par les applications. Apple, avec ses iPhones et iPads qui piochent dans l'App Store, et Google, avec les smartphones et tablettes Android reliées à Google Play, ont tous deux réussi à tirer leur épingle du jeu concernant les applications. Ils proposent chacun plusieurs centaines de milliers d'applications pour la grande satisfaction des utilisateurs. Mais eux autres ne seront pas au CES. Non. Non. C'est plate, ça. Oui, ben c'est dommage, mais ils disent qu'ils ont leurs propres événements. C'est Apple avec gros keynote. Tu sais, c'est la rencontre de l'année. C'est là que tu veux être pour te faire voir. Tu peux faire peut-être un effort. Peut-être. Peut-être que ça leur coûtait cher en même temps. Ouais. Pas comme s'il en manquait. Ben, c'est ça. Ils font pas pitié. Ce chiffre devrait logiquement encore augmenter, mais c'est vers la qualité et la gratuité qu'il faudra regarder. Avec plus de 700 000 applications, le choix est suffisamment vaste pour qu'on termine avec la question de qui en a le plus et qu'on se demande qui a les meilleurs ou qui a les moins chers. C'est vraiment ça l'idée de ces temps-ci dans les applications. Au lieu de la vendre 10$, tu la vends 0$ et puis tu vends des affaires dedans. Ouais, des ben, mettons, des filtres pour un appareil photo. Mettons, tu vas avoir l'appareil photo gratuit, mais les filtres vont coûter 1$ chaque. Bon, ça arrive. Microsoft est arrivé tardivement avec Windows Phone et encore plus tard avec Windows 8. Doit au contraire se rattraper sur les chiffres en incitant les éditeurs et développeurs à soumettre leurs applications. Avec une offre variée sur le Microsoft Store, tiens, c'est le nom, un nouveau système Windows destiné aux écrans tactiles se débarrasseront de ce qui peut être un réel frein lors du choix d'un nouveau smartphone. C'est vrai, ça, moi, j'achèterais pas un téléphone qui n'a pas d'application dessus. Non. C'est peut-être juste moi, mais il me semble que c'est essentiel. La bataille continuera. Là, on parle du Donut Track ici. Pas le Donut Track, le traçage de beignes. La bataille continuera entre éditeurs de navigateurs alors que les statistiques 2012 ont encore montré que tout était possible pour l'avenir. Un des enjeux restera encore la rapidité du chargement des pages, mais on sera aussi attentif à l'évolution des boutiques d'extensions pour navigateurs. Je sais que toi, tu me demandais hier, quand je parlais de Google Chrome, quelles extensions j'utilisais. Ça veut dire que toi, t'as aucune application, aucune extension à tes furetas. Non. Pas besoin. Non. Je suis sûr que si t'allais magasiner, t'en trouverais même pas une qui t'intéresse. C'est pour les hardcore, ça, les extensions. Non, mais j'imagine, mais écoute, je me débrouille bien avec... Non, mais c'est ça, les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est des skins, mettre leur Google Chrome rose, comme Alexandra Carignan, salut. Mais sinon, les extensions, c'est pas très populaire. Je trouve, en tout cas, dans mon entourage. L'antipistage DNT, lui aussi, avait déjà pris place dans les navigateurs, mais Microsoft a jeté un pavé dans la mare en activant le refus de pistage par défaut dans Internet Explorer 10, ce qui pourrait inciter certains sites ou services à ne pas suivre les indications fournies par les navigateurs. Ce serait triste. L'année 2013 nous dira si ces désaccords rendront inutile le nouveau standard. Là, vraiment, parlons-en du CES, qui pourrait donner le ton aux tendances de cette année. L'année prochaine, Caroline, pourquoi qu'ils disent cette année? Avec les logiciels qui contrôlent les objets. On parle beaucoup en ce moment de l'Internet des objets. Il ne pourra devenir réalité qu'au travers d'applications pour les piloter et les gérer. On peut donner en exemple les applications des TV connectées qu'on connaît déjà et qui devraient encore une fois être omniprésents sur les stands du CES. C'est ce qu'estiment les gens de chez CNET. Connecté par Internet, exact. En fait, sans fil. Pas besoin d'avoir une petite boîte. Dans TV, ouais, c'est ça. Exact. C'est bien à la mode en ce moment, set-top boxes. J'ai un de mes chums qui s'est acheté une TV, en fait, là, avec Skype. La caméra est sur sa TV par Internet. Ouais, En HD, plein écran, mais 80p. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. De pouvoir regarder Netflix. Vraiment. Cool. Ouais, non, mais c'est cool. Les télé connectées avec surtout Google TV, je trouve, ça va être. Google aimerait que Google TV, qui dans le fond, c'était une boîte avant que tu pouvais avec une télécommande. Bon, maintenant, c'est intégré dans la télé. Mais ils voudraient que ce soit dans toutes les télés d'ici, genre 2000. Je pense que c'était 2016. Google disait que ça va être dans toutes les télés. Permettez-moi d'en douter. Je pense que c'est pas toutes les compagnies qui vont monter sur ce train-là. Non, en même temps, quand tes compétiteurs le sont. Je pense que. Ouais. Peut-être pour les télés plus genre de luxe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Puis d'un certain format, j'imagine. Ben, c'est ça. L'application YouTube pour Android récemment mise à jour nous donne un aperçu des possibilités offertes. L'appli ne se contente pas de renvoyer vidéo ou liste de lecture vers l'appareil Google TV en reproduisant l'écran. Il est possible de continuer à utiliser l'application pendant que la vidéo est diffusée. Ah ben. Les applications de demain contrôleront tout. Les lunettes connectées de Google, les Google Glasses, là, comment ça s'appelait? Ça avait un autre nom que ça. Attends un peu. Je veux pas dire des mauvaises affaires. C'est ça, Google Glasses, j'avais bien raison. Qui ont fait forte impression plus tôt cette année et que les développeurs devraient avoir en main dès 2013 jusqu'aux objets moins techniques de la vie courante comme les pèse-personnes, les réfrigérateurs, les loquets de porte, lampes, stations météo, tout ça, ça va être de plus en plus contrôlable. À distance. Rendez-vous donc au CES 2013, salon consacré à l'électronique et à la technologie qui se tiendra à Las Vegas du 8 au 11 janvier. Évidemment, on va vous en reparler dans CNN, ça n'a pas le choix. Et les deux articles de CNET France sont sur assemblagerequis.com pour tous les détails et les liens vers les nouvelles d'origine. Pour tous les détails. Ouais. Génial. Et on parlait aussi que peut-être que Sylvain allait revenir nous en parler. J'espère bien. Sylvain. Espérons-le. En studio ou par téléphone ou à distance ou pré-enregistré. Tu sais que Las Vegas, c'est décalage horaire. Hein? Ouais. On l'appellera pas à 4h du matin. Non. Non. On prend pas ça. Voilà pour CNX pour aujourd'hui. Plus tard à l'émission, on aura C'est un fait. On aura aussi Maxime Bétuy avec sa chronique ciné-télé. Stéphanie Paradis va être là. Elle est encore là. Elle qui est là, mais est comme pas là, ouais, mais là. Je suis là, mais je comprends rien de ce que tu dis. Blablabla. François non plus, ça. Ben, un petit peu. Ouais. On dirait une dingue qui parle. Mais il est bon aussi. S'il comprend rien, ça paraît pas. Ça a l'air vrai. Ma principale qualité. Le fakeage. T'es fin. On va retourner en musique pour l'instant. Par contre, je pense que ce serait la meilleure chose. Ce serait, comme ils disent, l'idéal. Idéal. Et ça fait un bout qu'on n'a pas entendu de gros méné. Ah, OK. Mm-hmm, gros méné. Et suivra après ça un autre choix que François-Olivier nous avait dit tantôt, mais j'ai oublié depuis. Du Ariel. Oui, ben ça, c'était ton choix à toi. Fais comme si c'était le tien. Non. Come on. Je veux pas être associé à ça. Donc, on s'en va entendre. C'est quoi déjà leur extrait? Je garde le fort, hein, je pense. Je garde le fort de gros ménin tout de suite. Assemblage requis. Sur C'est fou. Retour, on vit notre Viagra. Au lieu de vivre notre vinaigrette, frère. Tu sais, je vis ma vinaigrette. Hein. Oh. Assemblage requis. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. 7h33, Assemblage requis, hein? Info à banane. Des bananes. Des bananes. Steph, hein? Banane. Oui, moi, je suis une fan de bananes. Mollet chaude. Comment? Mollet chaude. Comme dessert dans les restaurants asiatiques, t'as une banane chaude. Banane molle. Chaude. Chaude, frite. Ouais, grillée. Mais c'est bon? Oui. Ben, ouais. Mon Dieu, c'est oui. Chaud, ça brûle la langue. Ouais, c'est bon. Banane mollet chaude. Toi, tu dis chaude et molle, hein? Dans le bonhomme. Ben là, j'ai pas vraiment de préférence. Là. Ariel? Ariel? Mauve. On écoute ça? À son âge requis. Je trouvais que ça... Ça devenait brunâtre. Ça fait bien avec une banane. Banane mauve? Vous êtes dur à suivre. Il y a aucune logique là-dedans, aussi. La pièce mauve à son âge requis sur leur album, leur excellent album Après le crime, celui qui est noir et rose, là, leur seul, c'est vraiment très très bon. J'adore Ariel. Pas vous? Vous en foutez, oui. Hein? Vous foutez d'Ariel. Hein? Non, on la sent bien ta chanson. Attends, tu te fous Marielle? Tu te fous de Marielle? Non. Ben, ça marche? La fin du monde est demain. Donc, plus de jus de mots, Mathieu Plante. Yes! Enfin! Ah, ben tiens, je vais continuer par contre de vous parler. Peut-être que j'en insérerai des jeux de mots. On va voir. C'est un fait. C'est un fait. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Toujours avec François Olivier, Stéphanie, Mathieu. Blanc. Les trois sont là. Marchand. Paradis? Il aurait fallu que tu dises paradis, Matt. Marchand paradis plante. Non, non, juste paradis, parce que j'ai dit plante. En tout cas, ouais, c'est pas grave. T'as pas compris? Non. C'est pas grave. Ben, pas grave, pas grave. Quoi? Non, ok, ok. Pour une fois, c'est Mathieu qui suit pas, là. Ça m'arrive, Colin. Vous me donnez l'impression que je fais juste m'écouter parler. Pourtant, si je faisais ça, je me trouverais plate en tabarnak. Dans le jeu Paper Mario sur la Nintendo 64. Hey, ça, c'était plat. Ben, moi, j'aime pas non plus Paper Mario. Pour vrai, c'est la seule série de Mario que j'aime pas. J'ai rien compris à ce jeu-là. Ça, il est Mario et Luigi, mais c'est un peu la même chose que Paper Mario. C'est un jeu de rôle. Tu sais, Mario et Luigi sur... Pas de rôle. De rôle. De rôle. C'est très drôle, très drôle. Donc, dans Paper Mario, Luigi avait un journal intime qu'il gardait dans le sous-sol, un sous-sol secret, en dessous de la maison de Mario et Luigi, parce qu'ils habitaient ensemble dans ce jeu-là. Si vous réussissez à trouver le petit journal intime et que vous réussissez à lire ce qu'il y a dedans, on va trouver une phrase qui dit que Luigi a peur des fantômes. Okay? Ah. Et une autre phrase où il dit qu'il aimerait ça être le premier rôle de son propre jeu vidéo. T'sais? Évidemment, ben, c'était précurseur à Luigi's Mansion qui était en pré-production lorsque Paper Mario était fabriqué. Ah, c'est cool. Mais tu peux pas vraiment le deviner tant que le jeu est pas sorti. Ben c'est ça. C'était seulement des indices. Mais je trouve que c'est cool d'avoir fait ça. Mattel, vous connaissez la compagnie de Barbie, mm-hmm. Mattel. Ils ont offert des remboursements pour leurs poupées Snack Time, Cabbage Patch Dolls. C'est des poupées Bouchou, Snack Time, donc l'heure de la collation. Parce que les poupées mâchaient, tu pouvais manger. Évidemment, c'était l'idée, c'était la poupée pouvait manger, donc faisait aller sa bouche. Mais pouvait aussi mâcher les cheveux des jeunes filles. Ah. Il y a eu des plaintes. Pas tellement plaisant, ça, de se faire manger les cheveux par une poupée Bouchou. Non, ça doit tirer. Ouais, mais tasse-la, c'est une poupée. Non, mais là, Colin, il y a un mécanisme dedans pour qu'elle avale sûrement la nourriture. Puis sûrement que le principe, c'était que ça, je sais pas, ça, peut-être que ça ressortait partout. Ça pointe partout, je sais pas. C'est dégueulasse, faisait des boules de poils. Des boules de poils. les scientifiques ont nommé une nouvelle espèce d'abeille, Euglossa bazinga, en l'honneur de Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, qui utilise la phrase bazinga, ben le mot. Oh. C'est cute, hein? Il y a un petit peu trop de bazinga en ce moment avec les t-shirts, les boules de Noël. Moi, ça me tombe ses nerfs. Bazinga, je suis tanné de ça. Hein? Bon. Attention. Okay. Selon un estimé de IKEA, la compagnie a servi plus de 11 milliards de boules de viande suédoise, mais juste au Royaume-Uni. Donc imagine dans le monde au complet. Wow! 11 milliards! 11 milliards quand même. C'est bon dans le bedon? J'ai jamais mangé ça, moi, par exemple, quand j'étais allé là. Ah! Vous deux, vous n'avez pas mangé ça? Non. Il faut. Ben, je sais pas. Écoute, si je veux aller manger, je vais aller manger ailleurs. Non! Il faut vraiment goûter aux boules de viande suédoise. J'avais pris le poulet. Moi, il était bon. Ouais. Il y a les petits le poisson pané. Vraiment très bon. Leur sauce écœurante, leur frites, génial. Leur petit pain à l'ail, débile. On fait vraiment une chronique culinaire IKEA. Non, mais ça manque à votre... Ça aurait l'air d'un infopub. Ça manque à votre culture de la bouche. Bon. Selon la légende, l'auteur Honoré de Balzac. Vous connaissez Honoré de Balzac? Oui, oui. Mon grand chum. Stéphanie connaît ça. Pourquoi plus moi? Ben parce que t'es plus littéraire que moi. Ouais, d'une session. Mais c'est plus que moi. D'une session. OK. Donc, Honoré de Balzac buvait 50 tasses de café par jour pour réussir à écrire autant de textes. Tabarouette. Pas pire? Ça goûte bon? Mais 50. T'es en feu à la fin de la journée. Y est-tu mort du cœur? Bonne question. Je sais pas s'il a déjà dormi de sa vie. Quelle question. Les chauves-souris tournent toujours à gauche lorsqu'elles sortent d'une cave. Ah ouais? C'est à bon, gauche. Je vais me tenir à droite. Ouais, de tout le temps à droite des caves. Ta droite ou leur droite, hein? Bon, faut que ça soit ta gauche, parce que sinon, ça va être quand t'es de face. Non, mais eux autres sortent à gauche, t'as dit? Ouais, à gauche. Mais à leur gauche. Mais leur c'est gauche, ça. Ouais. C'est ça. Faut que je me tienne à ma gauche et à leur droite. Ouais. Ben c'est comme hier, on apprenait que les ours polaires étaient tous gauchers. Ouais. On était pas sûr que ça avait l'air vrai. T'sais. Il me semble que ça a l'air bizarre. Les ours polaires sont gauchers. Moi, j'aurais cru qu'ils auraient été ambidextres. Ouais, aussi. C'est ce que j'aurais pensé aussi. Ça a pas l'air à ça. Ah, polaire, une joke d'ours. Moi, je l'aime bien. Merci, Steph. Un rat peut durer plus longtemps sans eau qu'un chameau. Chameau. Voilà, toi. Il n'y a pas de bosse. T'agrées pas. Puis c'est pas de l'eau qui a dans sa bosse au chameau. On a tous appris ça. C'est Stéphanie qui me l'a dit par message texte. Deux bosses. Dans ses bosses. C'est le dromadaire qui a une bosse. Puis qui a trois bosses. Le dromadaire, c'est pas de l'eau non plus. C'est du gras. Ouais. C'est la même affaire. C'est comme des cousins. Mais cousines. Pour vrai, là, entre le dromadaire et le chameau, à part le nombre de bosses, là, je connais pas de différence. Là. Non. Ah, puis j'ai trouvé ma réponse. Trois bosses, c'est la fille dans Total Recall. À trois seins. Ah, t'as vu ça? Écoute, non. Non. Il y a eu un remake cette année, non? Non. École. Non. Culture cinématographique. Non. Douteuse. Ben, je sais c'est quoi le film, là? Je l'ai pas vu. Ben, t'as pas vu La fille à trois seins dedans? Fantasme, tu sais. Ah oui, surtout, ouais, moi, ça. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Surtout les boss, là. Ouais. David Bowie. Saviez-vous que son œil gauche est dilaté en permanence parce que c'est fait. Oh, je pense que oui, je l'ai déjà fait. En la disant, c'est là que je me rappelle que j'ai déjà fait. Parce qu'il s'était fait frapper par un enfant quand il était jeune, il s'était fait frapper. Puis son œil gauche est permanent, dilaté. Ok, mais il voit. Mais il voit. Est-ce que ça. Un adverbe avec permanent? C'est déjà. Permanemment. Permanemment. Moi, j'utilise. Je trouve ça beau. Oui. Parmesan. Tu me laisses le. Comment? Parmesan. Parmesan pas! pareil. Le Viagra. Le Viagra, ça, la façon que ça fonctionne, c'est que ça bloque les enzymes, ce qui empêche l'érection. Ça bloque les enzymes. Ben, le Viagra, hein? C'est supposé produire non, des érections. Ouais, OK, non, les enzymes qui empêchent l'érection. C'est ça qui empêche l'érection. Pas le Viagra. OK, c'est beau. Le Viagra fonctionne en bloquant les enzymes qui empêchent l'érection. C'est pas ça que j'ai dit? C'était pas clair. C'est comme si c'était le Viagra qui empêche l'érection en bloquant les enzymes. Mais ouais, c'est ça. Mais ça sonnait de même. C'est ça. J'avoue que ma phrase était mal construite, mais bon. On est habitué à ça, à l'habitude, là, les phrases mal construites, c'est Mathieu Plante quand même. 32% des lecteurs de Cosmopolitan Magazine, OK, ont menti par rapport au nombre de gens avec qui ils ont couché. 32% des lecteurs ont menti quand ils ont dit le nombre de gens avec qui ils ont couché. À la hausse ou à la baisse? Ça dit pas. Mais en même temps, c'est clairement à la hausse. Si on mentit là-dessus, ils ont peut-être menti sur le fait qu'ils avaient menti aussi, là. Tu peux pas savoir, hein. Ouais, 32% des lecteurs, écoute, des lecteurs, c'est assez vaste, là. C'est... Je sais pas. J'ai de la misère avec des statistiques comme ça qui sont dans l'air. On veut un contexte. Ben, c'est ça. Mais c'est un fait, puis il n'y a pas de contexte là-dedans. Selon une étude australienne, les femmes qui ont des relations avec d'autres femmes ont plus de chances de se rendre au climax que celles qui ont des relations avec des hommes. Selon une étude australienne. Eh bien. Ben, coudonc. Colin, tu sais, si c'est plus excitant un morceau de plastique, ben de bord. Ça peut, j'imagine. Ça se peut. Ils sont peut-être faites plus avec une forme, avec quelque chose de plus stimulant dessus. Je sais pas. Bref, pas de détails. Tu sais qu'en anglais, témoigner, on appelle ça testify. Testify! Mm-hmm. Ben, le mot testify est basé sur quelque chose que les hommes dans les cours de Rome faisaient. C'est que. Caroline, je cherche mon mot. Quand tu swear, tu fais ton serment. Ah, OK. Serment. Donc, il faisait ça en se touchant les testicules. Hein? Donc, c'est devenu testify. Ben, je te dis. Statement made by swearing on their testicles. C'est ça. Ils le promettaient sur leurs testicules. Ou ils le promettent sur la Bible. Moi, je crois beaucoup plus en mes testicules qu'en la Bible. Donc, on pourrait ramener ça, ça serait bien le fun. On peut savoir si un cheval est un mâle ou une femelle en regardant ses dents. Donc, okay. Okay. Ah. Tu peux regarder en dessous aussi. Tu pourrais aussi. Mais tu pourrais lui ouvrir la bouche et compter ses dents parce que les mâles ont 40 dents, les femelles en ont 36. Ben oui, moi je te conseille d'aller mettre ta main dans la bouche d'un cheval. Oui, c'est très pratique. Ben je te conseille pas non plus de mettre ta main sur ses testicules. Ouais, mais t'as pas besoin d'aller mettre ta main pour voir. C'est assez bien membré. Comme ouais, c'est ça. Comme dans l'expression membré comme un cheval, un étalon, puis un. Ouais. J'imagine que ça vient de là. C'est possible pour les hommes d'avoir une érection lors de leur mort. Quand il meurt, c'est possible pour un homme d'avoir une érection. Oh, ouais. Le sang se ramasse là. Ben, j'imagine. Ouais, c'est ça. Certaines femelles pingouins, des pingouines, font de la prostitution. Ah, oh, ben, les petites maudites. Ben, sont sales, salopes. 80% des premières expériences sexuelles des étudiants au collège ou à l'université arrivent sous l'influence de l'alcool. 80%. Dommage. 4/5e. Dommage. Ouais. Ouais, ben, c'est ça, ça dépend des gens. Ben, ça dépend à quel point, tu sais. C'est ça. Si tu t'en souviens pas, c'est plat. on parle d'expérience, on dirait. Non. Ben non. 6% du monde est accro au sexe. 6% du monde est officiellement accro au sexe. C'est pas énorme. Non, pas tant que ça. Great whales, on dirait ça comment en français, les baleines, les grandes baleines. Les great whales, bref, une sorte de baleine. C'est l'espèce avec le plus long pénis, jusqu'à 10 pieds de long. 10 pieds, quand même. Fait que c'est plus le fun de se faire « Hey, t'as mangé comme une baleine » au lieu d'un étalon. Hein? Se faire manger comme une baleine, c'est ça que t'as dit? Non. Et t'as mangé. OK. Mais ça tu traites peut-être l'autre aussi de gros. De grosse baleine. Ouais. J'aime quand même mieux le cheval. Ouais. C'est plus athlétique. Ouais, c'est moins en rondeur. Ouais, et... moins en rondeur. Bon, on s'étale. On s'étale. Étalon? On ouais. s'étale. Ouais. T'as affaire. On a-tu assez tiré la sauce? J'ai fini, moi. OK. Mais moi aussi. Bon. J'ai fini. Je me suis rendu. Ah, j'aime ça de faire King Sexy Time. C'est le fun. Avec vous autres. Ça fait du plaisir. On retourne en musique à l'entendre du Crystal Castles. Est-ce que je finis chaque chronique King Sexy Time en disant qu'on a eu du plaisir? Je pense que oui, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire qui a l'air, qui a comme un aspect... On a du fun, on a du fun. Ouais, bon. Crystal Castles, Plague. Plague, oui, certainement. Super bon. C'est le palmarès. Hein? Le palmarès, oui. C'est qui? C'est aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, c'était fou en 2012. Ah! On en reparle tantôt. Okay. Ouhouhou! Spoiler alert! On dirait qu'on part à la chasse aux baleines. Tu vois ça? Ah, c'est une baleine! Non, c'est juste son pénis. Ouais, mais là, c'est... Mais là, c'est un terme médical, j'ai le droit. We'll be right back. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. De retour à Assemblage requis en ce jeudi 20 décembre 2012. Il s'appelle François-Olivier Marchand. Et lui, il s'appelle Mathieu Plante. Et Stéphanie Paradis est toujours là. Ok, oui. Madame Paradis. Hey, hey. Monsieur Marchand. Est-ce que vous êtes de parenté avec François Paradis? Sûrement à l'origine. Ouais, à l'origine. Parce que je vais vous dire quelque chose qui ne vous intéresse pas. Okay. Mais en Nouvelle-France, il y a seulement un paradis qui est arrivé. Donc, on descend tous du même paradis de Nouvelle-France. Ben, de Normandie, en fait, qui est arrivé. Okay. Pierre. Oh, Pierre. Pierre Paradis. C'est Pierre. Il est encore vivant ou? Non, il est arrivé en 1500, je sais pas. Comment c'est vieux, là? C'est Nouvelle-France et on pourrait dire jadis, là. Pépé. Okay. Il peut payer. Ah, excuse-moi, Maxime, je t'avais pas encore. Vas-y, go! En rapport avec Vanessa Paradis ou pas? Oh! Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est intéressant. Ça, je sais pas. Mais avec Johnny Depp, j'aimerais ça qu'il y ait un. Qu'il se passe de quoi? Un rapport, c'est ça. Il est libre maintenant, c'est ça? Il est libre, hein? Ouais. Il doit pas rester libre longtemps. Je pense pas, non. Johnny Depp. D'après moi, il y a une file d'attente. Ben, c'est comme au Johnny Depp, quand, au coin de la rue, le dépanneur. Ouais. T'as plein de madame qui t'attendent là. Non, mais c'est un dépanneur à ouvrir, mettons, on t'appelle ça le Johnny Depp, là, clairement. Ouais, mais j'imagine que c'est déjà fait, là. Tu penses? Il doit avoir ça quelque part. Il y a sûrement quelqu'un qui y a pensé avant toi. Sûr. Je vais taper sur Google Johnny Depp pour trouver un dépanneur. Pendant qu'on écoute Bio Bazar et la pièce And Friends. On vient avec la chronique ciné-télé de Maxime Bétuy. Tu montres tout. Vous étiez avec nous avant cette pièce de Bio Bazaar and Friends. On parlait de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. On a fait une blague de... En fait, j'ai fait une blague. Je vais prendre le crédit pour. Une blague de Johnny Depp pour un dépanneur. Ça pourrait s'appeler le Johnny Deppanneur. Ouais. Hein? Non, pas trouvé. Pas trouvé. J'ai cherché sur google.com, /search. Le Johnny Deppanneur. Et puis, j'ai trouvé le Johnny Dépannage. Mais ça part d'exister pour vrai, tu sais. Mais ce serait une très bonne, un très bon nom pour quelqu'un qui s'appellerait, mettons, Jean. Ça serait cool. Tu sais? Jean, Johnny Deppanneur. Ouais. Non. C'est parfait. C'est logique. Johnny. Johnny! C'est comme les aliments John Vince. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. T'sais, c'est des sacs de noix, puis de petits bâtonnets de sésame. Puis t'sais, ça s'appelle la compagnie, c'est les aliments John Vince. Le gars, il s'appelait Jean-Vincent, là, sûrement. Ça fait comme ses lettres. Là. John ouais. Vince. C'est comme j'ai pas cherché longtemps. Ouais. Hein? Bon. C'est dit, hein? C'est dit. Ouais. C'est dit. Maxime Bétuy. Oui, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ben, ça va moyenne... Bizarrement. Ça va bizarrement. Comment ça, bizarrement, donc? Ben, ce soir, je serai dans l'avion, donc c'est un peu particulier, quand même. Puis demain, c'est la fin du monde, on l'a dit. Oui, c'est vrai. Donc, au final, on s'en fout, j'ai envie de dire. Ben, c'est ça, exactement. C'est vrai. Pourquoi t'as fait une chronique à matin? Tu sais, mettons, au pire, tu pourrais botcher ça à mort. Ben, j'avais envie. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, il y a personne à l'université. Non. Tout le monde dort, donc on peut faire ce qu'on veut. Ben, les gens ont fait le party hier et avant-hier et sûrement avant-hier et tous les jours depuis. Oui, alors oui, j'ai bien fait d'étudier le sujet, oui. Et depuis vendredi dernier, on fait un party. Ben, ils ont fait un frosty party. Ils ont juste laissé ça comme c'était. Les lumières allumées, la boucane dans l'université le lendemain matin. C'est pas le fun. On a attendu 1h30 pour récupérer nos manteaux. Wow. Et nos vestiaires. Et c'était bon, ouais. C'était pas alors, on aurait cru qu'on était tous dans un bunker avant la fin du monde. Ben, c'était assez drôle. Je connais quelqu'un qui était au vestiaire, qui s'occupait du vestiaire, Michael Da Silva, on le connaît tous, au dîner de con. Il était au vestiaire, il dit « J'ai eu envie de frapper presque littéralement chaque personne » qui était dans le proche du vestiaire ce soir-là. Ah oui, non, mais c'était... Il y avait comme 800 personnes devant le studio, là, tu sais. Nous, on était avec des copains, on s'est dit, bon, ben, on rentre chez nous, on boit un thé, puis on revient dans une heure. Ouais. Pénard, un petit thé. Ouais, voilà, tranquille. D'accord. Les bagages sont faits? Pas non, fini. Non, d'accord. Est-ce qu'on se dépêche à faire ta chronique, ça veut dire? Ouf, pas pressé non plus. Et tu retournes à 8h15, tu vas faire tes sacs, c'est ça? Non, mais ça va, j'ai 3 heures pour terminer. Tu pars à... Midi et demi. Midi, ok, ouais. Ouais. À midi et demi, tu dois être à Montréal? Non, à midi et demi, je prends le bus à l'Orléans Express. Ok. Arrivé 14h45 à Trudeau, et puis après, on verra quand est-ce que je prends l'avion. Et tu ne reviens plus jamais ici. Ben, si c'est la fin du monde vendredi, non. Non. Tu vois. Mais j'aimerais essayer d'arriver chez moi avant que ça se termine. Ouais, idéal, mais juste. On se croise les doigts. Ou alors, pendant que je suis en l'air, le monde se détruit et j'arrive. Et T'es le seul au monde. Ouais, comme tu peux pas Will atterrir. Smith. Je suis une légende, tu vois. Ça... Will Smith. Ouais. Il est beau. Ça peut être sympa. Bon, okay. Aujourd'hui, on parle des Golden Globes. Ouais, parce qu'en fait, dans un souci de valise, je me suis dit que ça pouvait être bien de changer un peu le format de la chronique. Quoi. De pogner un sujet au hasard, pogner une voilà. valise. Pogner une valise. François, pogner une valise. Ouais. On l'a pogné. On l'a pogné. Nous, dans le studio, François, Stéphanie et moi, on connaît pas vraiment beaucoup le cinéma, tu sais, et la télé. Donc, on va peut-être pas avoir nécessairement grand... On va essayer, en tout cas. Ce que je connais des Golden Globes, c'est... en fait, sur la pochette des DVD que je loue des fois, c'est marqué qu'ils ont gagné. Gagnant d'un Golden Globe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est couleur or, là, puis il y a un globe. Ouais, on sait que Roger Ebert a mis son 2 pouces en l'air. Si je me souviens bien, d'ailleurs, je vais pouvoir vérifier, parce que j'ai pas fait mon travail, c'est pas bien. Non, en fait, les Golden Globes, c'est les récompenses de la presse étrangère d'Hollywood. OK. Étrangère d'Hollywood, ce qui veut dire... C'est-à-dire que t'es journaliste cinéma français, suisse, allemand, brésilien à Hollywood. Sauf américain. Sauf américain, voilà. Ok, ok. Et on a pour coutume de dire que c'est l'antichambre des Césars. Okay. Donc, par exemple. Et des Oscars, peut-être Oui, des les Césars, c'est français, c'est l'équivalent. Les Césars, c'est français, pardon. D'accord. Surtout des Oscars, oui. Okay. Par exemple, l'an dernier, The Artist avait eu le Golden Globe du meilleur film, Jean Dujardin avait eu le Golden Globe du meilleur acteur, et ça s'était confirmé aux Oscars. Ok. Voilà. Cool. Donc, cette année, il y a le Lincoln de Steven Spielberg. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, avec le président américain et tout. Voilà. Oui, moi, j'ai vu. Pas le Vampire Hunter. Voilà. Bon, ben, on va pouvoir parler du film. Parce que moi, j'aurais aimé parler d'Abraham Lincoln, Vampire Hunter. Là. Oui, ben, je l'ai vu. Slayer Hunter. Ce film est un scandale. Pour vrai. Je veux qu'on trouve le mec qui a eu l'idée de faire chasser des vampires à Abraham Lincoln. Tu sais, c'est le président américain qui tue des vampires. C'est génial comme concept. Ouais, c'était sympathique aussi, ça. Mais bon, c'est pas celui-là qui a mis. Le pire, c'est que t'y croirais presque. Oui, il a l'air d'un vrai. Avec sa barbe, son chapeau. C'est drôle. Ouais. Donc, en fait, le film a 7 nominations, donc c'est le grand favori de la cérémonie. Il n'y a pas le choix de gagner au moins un prix. Ça devrait. J'espère quand même. C'est dommage. Derrière, on a Django Unchained, le nouveau Tarantino. Alors, il est pas sorti encore. Avec Jamie Foxx. Hein? Avec Jamie Foxx et DiCaprio et. Steven Seagal. Et l'alarme. Attention, Django est déchaîné. Donc lui a ça l'air bon, ça pour vrai. 5 nominations. On entend là ou pas l'alarme? Bah, on l'entend, mais c'est pas assez fort. Pas que ça dérange, ouais. Django Unchained, c'est l'histoire d'un esclave. Là, c'est vraiment quelque chose de super déprimant à la base. Ouais, mais c'est un scénario par Tarantino, donc ça va avoir de l'action. Ce sera forcément pas déprimant. Ben oui, ça va être vulgaire à mort. Ouais, j'ai hâte de voir ce film. Je sais pas quand il sort en France. J'ai pas regardé les dates, mais de toute façon, à Tarantino, on l'attend, quoi. Ça, c'est, on l'attend toujours. Ça va faire fureur chez les fans de Tarantino, j'en suis sûr. On a aussi Argo, qui est un film de Ben Affleck, qui avait été salué par la critique. Alors moi, je l'ai pas vu non plus. Ben Affleck a l'air de se faire apprécier pas mal du domaine cinématographique, plus qu'avant. On dirait qu'il a comme vraiment eu, il a pris la cote. Il est à la mode. Un bon réalisateur qu'il est, on se souvient de, je me souviens plus du nom, son film de voleur qu'il a fait il y a 2 ans, son premier film d'ailleurs en tant que réalisateur. Je me rappelle pas du nom. Je sais de quel tu parles, mais je me rappelle pas du nom. Personne d'autre? Droit de réplique. Adversaire. Un point. Une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce pas. Et on a aussi l'Odyssée de Pi qui est juste sorti, qui. Life of Pi. Life of Pi. Voilà, une tarte. Qui, de chez McDo maison. Ça va faire. Donc qui lui décroche aussi 5 nominations et voilà. On a aussi une meilleure comédie musicale, Les Misérables, adaptation du célèbre. Roman de Victor Hugo. Il doit être sorti exactement dans juste à la fin de la période de date disponible pour gagner un Golden Globe. Voilà. Il est sorti sous le temps. Ça ne s'est même pas sorti. Non, ça sort le 25. Sorti, c'est disponible le jour de Noël. Pour ce que j'avais vu. La Noël. Noël. Noël. Noël. La Noël. Comme les Français disent ça, la Noël. Hein. Les Français disent ça. Non, on dit Noël, nous. C'est pas la Noël? Non. Qu'est-ce que vous êtes avec un lac par rapport? Non. Il y a une fête que vous êtes avec un lac par rapport. Sûr et certain. La Toussaint? Peut-être. La Pâque? Non, la Pâque. Non, on dit pas la Pâque. Bah, je sais pas, moi. Je sais pas. La Halloween. Jour la Saint-Valentin. La Hanouka. Mais la Halloween, en fait, on le fête pas. Donc, la quoi? C'est vrai? C'est Halloween, vrai? On le fête pas. Oh, c'est triste, hein? Bah, c'est pas dans notre culture. Vous mangez des bonbons, quand? La Pâque. La Pâque. Ok, laisse faire. Et aussi, les Français sont encore l'honneur. Cocorico, puisque Marion Cotillard est nominée pour le Golden Globe de la meilleure actrice pour le film De Rouille et d'Os, qui est sorti au Québec. Quel film? De Rouille et d'Os. Quel film? De Rouille et d'Os? De Rouille et d'Os. De Rouille et d'Os. C'est l'histoire, c'est l'histoire d'une éleveuse d'orques. En fait, oui, ça existe les éleveurs d'or. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? C'est pas or que ça me fait penser des elfes et des World of Warcraft. Mais ça, c'est la faute de Peter Jackson, ça. Ah, oh, c'est ça. Et du coup, en fait, elle se fait attaquer par un or qui a perdu ses jambes. Et c'est un peu façon intouchable, mais dans un autre genre. On a bien aimé les films d'handicapés cette année en France. C'était à mode. Je sais pas ce qui nous a pris. Enfin voilà. Bon. Donc ça c'est pour, on va dire, le paysage global de cette cérémonie de cette année. Global, Golden Global, you know. Effectivement. You know what I'm saying. Est-ce que la lampe va sonner une quatrième fois dans l'émission aujourd'hui? Parce que ça fait littéralement trois. Elle a pas arrêté. Personne va comprendre le. Y a personne qui voit la lampe, y a pas des. Mais c'est bien, c'est le fil rouge. La voir peut-être pas. La voir. Mais ça, je dis, s'il y a un cambriolage, pour vrai, il n'y a personne qui réagit. On est juste tanné de l'entendre. C'est le moment pour aller voler. Là, je dis que... Vas-y, Steph. on te laisse aller. Je reviens avec du café. Oh yeah! La petite caisse. Du Bailey, s'il te plaît. Juste pour vous donner aussi le palmarès des acteurs des meilleurs acteurs dans un drame. Donc, sont nommés Richard Gere pour Arbitrage. J'adore les Français quand ils disent Richard Gere. Richard Gere. Je vais t'interrompre à chaque fois. Ah, c'est Richard Gere. Ah, ouais, je l'avais pas allumé. Ouais, moi non plus. Et après, on dit qu'on parle anglais. Ben, moi, je. Richard Gere. Richard Gere. Daniel Day-Lewis. Vous avez compris? Ça va, ouais. Pour, donc, qui joue Lincoln. Denzel Washington dans Flight. Le vol, il dit. Joaquin Phoenix pour The Master. Ça, même en anglais, on a la même idée. Pas vu, pas pris. Et John Hawkes dans The Station. Je sais pas. Donc, au moins l'un des trois premiers, puisqu'on les connaît. Bah, c'est ça, je suis un culte, moi, dans le cinéma, c'est dingue. Non, mais le Lincoln était vraiment bon. Ouais. Oui. Enfin, moi, on mise là-dessus, bon. De quoi? On mise là-dessus. On peut miser là-dessus. On sort un petit 2. De toute façon, personne nous en tiendra à rigueur. Bah, voilà. On va sortir l'enregistrement plus tard. Marion Cotillard, quant à elle, fera face à Helen Mirren, qui joue dans Hitchcock. Ah oui, il y a Hitchcock aussi. Ça, j'ai pas vu. Ça a l'air bon aussi. Hein. Mais il y a Scarlett Johansson, donc oui. Mais ouais. Ouais, non, mais pour vrai. Ouais. Juste le maquillage d'Anthony Hopkins dedans est juste bluffant. Tu t'y croirais? Ben, c'est le but. Enfin, moi, j'adore ce personnage. Je connais pas grand-chose de sa vie, Hitchcock, donc je pense que ça peut être un film intéressant. Voilà, voilà. Bill Murray est nommé dans, comme meilleur acteur dans la catégorie comédie ou comédie musicale pour Weekend Royal. Alors, je crois qu'il y a que des films qui sont pas sortis, en fait, dans le palmarès. Je suis en train de me rendre compte. C'est encore un film qui est pas sorti, Weekend Royal, je connais pas. Ben, je sais pas, ça me dit rien non plus. Eh ben, non plus. Étrange quand même. Mais j'aime Bill. Mais oui, Bill a l'air sympathique. Ouais. Oui, moi aussi. Et Wayne Mark Gregor dans Des saumons dans le désert. Je sais plus. Des saumons dans le désert. Ah, l'alarme est aussi. Quel bonheur. Jack Black pour Bernie, Hugh Jackman. Oh, Jack Black, come on. Oh, God. Jack Black. Qu'est-ce qu'il a? Ben, il dérange. Il est pas drôle. Non. Ben, moi, il est pas spécial. C'est lui qui joue le scénariste dans King Kong de Peter Jackson. Oui. Ben oui, c'est ça. Mauvais aussi. Mais c'est pas un acteur qui est très connu en France. Hein. Ben, tu sais, tu le mets pas à côté de l'autre, le Bill Murray. Là. Et pas, Brad jamais. Pied. Ben non, pas les mêmes souliers du tout. Bradley Cooper dans Happiness Therapy, qui est une comédie romantique qui apparemment est très bien. Ok, ça se peut. Ouais, ben moi j'ai vu les mauvaises critiques, mais je sais pas. Mais Bradley Cooper, il est sexy. Y a ça. Fait que ça s'annule. Ça s'annule, c'est correct, il peut gagner. Alors, je regarde ce qu'on a d'autre, vite fait. Meilleur réalisateur, bien sûr, Steven Spielberg dans Lincoln, Ben Affleck pour Argo, Catherine Bigelow dans Zero Dark Thirty. Ça, c'est le film sur Osama Bin Laden qui sort... Ah oui! Est-ce que c'est demain? Ouais, c'est déjà sorti. Peut-être, je crois que chez nous, c'est après les fêtes. Ah, mais vous, hein? Tout en retard, c'est tout. Ben oui, mais moi, je sais très bien que j'ai plus avoir le temps d'aller au cinéma ici, donc je regarde pour quand je serai en fait. Non, mais tu verras pas de toute façon, on meurt tous demain. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. Mais pourquoi on fait une chronique? Bon, allez, moi, je m'en vais. Pour vrai, on arrête tout de botcher ça, cette émission-là. On parle toujours des Golden Globes, toujours en compagnie de Maxime Bessu, juste pour ceux qui suivent et qui arrivent en plein milieu. Ouais, en fait, on donne des noms et on dit ce qu'on en pense. on bullshit un petit peu sur le cinéma, c'est ce qu'on fait. Dans Meilleure actrice dans un second rôle, on a Anne Hathaway pour Les Misérables. Évidemment. Elle s'est coupé les cheveux pour son rôle. Quoi? Anne Hathaway, c'est ça? Elle s'est coupé les cheveux courts pour ce rôle-là? Elle joue Fantine. Ben ouais, c'est ça. Elle s'est rasée la tête, alors. Ça va lui donner tout plein de points de plus juste parce qu'elle s'est fait couper les cheveux, là. Ah ouais? C'est un artiste va perdre du poids ou va gagner du poids. Tu sais, c'est important. Mais se couper les cheveux, c'est encore plus important. Ben, il se donne. Ils en ont parlé vraiment beaucoup quand Natalie Portman s'était rasé la tête. C'était moyen, ça, hein? Mais, tu sais, bon, en tout cas. Voyons donc, elle, n'importe quoi, il va... Comme un gant. C'est ça. D'accord. Meilleur scénario, encore Lincoln. Normal, il est nominé cette fois. Ouais, ouais. Happiness Therapy, Amour, Michel Haneke, qui a été récompensé au Festival de Cannes le beau printemps dernier. Ah. Donc, à voir comment les Américains vont... C'est le réalisateur qui avait fait Le Ruban Blanc, qui avait été nommé aussi, primé aussi à Cannes il y a 2 ou 3 ans. Mm-hmm. Donc, c'est des films un peu spéciaux, ça. C'est un film d'auteur. Film de niche, mettons, pour un public bien débris. Voilà. Voilà, d'accord. Encore Zero Dark Thirty, Django Unchained et Happiness Therapy, je crois que j'ai déjà dit. D'accord. Voilà, meilleure chanson Hunger Games. Ouh! Ah ouais, ok, c'est bien, tu vois, juste nominé pour une chanson. Skyfall. Ok, encore une fois, que la chanson. À qui je ne donne. La chanson de Skyfall, elle est. Ça, c'est Adele! Elle est pas folle. Mais... La chanson de Skyfall, elle est pas folle. Bon. Bah, disons que c'est pas une des meilleures de la saga James Bond. Non. Ouais. Elle a de la chance d'avoir fait cette chanson. Elle a de la chance. Bah oui, surtout qu'elle a un problème aux cordes vocales et qu'elle est actuellement en repos. Oh, ben. S'est fait opérer cet été, Adele. Ouais. Voilà, ça c'était pour le point musique. Le potin musical. Donc voilà. Meilleure musique aussi. Alors, on a meilleure chanson et meilleure musique. Ça c'est intéressant. Okay. Comment donner des statuettes en plus? L'Odyssée de Pi, encore une fois. Lincoln, encore une fois. Argo, toujours. Et Anna Karenine. Je sais pas si Anna Karenine, ça me dit quelque chose, monsieur. Moi, ça me dit rien, je m'excuse. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Tu y reviendras, au pire. Oui, ça reviendra. C'est oui, non, ta prochaine chronique. Moi, je trouve que c'est là où c'est dommage, c'est qu'au final, c'est quand même souvent les mêmes films. Oui, mais ouais, c'est vrai. C'est typique de la saison des prix, là. Les galas. Ouais, c'est tout le temps les mêmes nominés, un après l'autre. Les galas sont tous dans le même coin de l'année, en plus. C'est comme... Oui, mais ça, c'est normal. Ben, enfin, chez nous, encore une fois. Oui, César. Non, c'est juste avant les Oscars. Les Romains, non? De quoi? Les César et les Romains? César et les Romains. Je suis scandalisé par celle-là. C'était pas un groupe de musique? Oui, oui. Ok, ouais. Une sorte de salade aussi. Est-ce qu'on passe aux séries? Oui. Ah, allons-y, on a une partie série. Oui, alors, la meilleure série comédie... Oh, L'Alarme. L'Alarme. Meilleure série comique, le prix est remis à L'Alarme. Qui, voilà. Qui est très drôle, en effet. Une série produite et diffusée ce matin même à la radio. Et réalisée par personne, parce que personne ne le réalise. Et juste, pourquoi ça sonne? Pourquoi ça sonne? On ne sait pas. Aucune idée. Ok, on s'en fout. Quelqu'un est passé à l'endroit où il ne devait pas. Ben, il n'y a que moi ici. Donc, meilleure série dramatique, Breaking Bad. Oui, bien sûr. Ah, oui. Avec le fabricant de meth. Broadwalk Empire. Oui, bien sûr. Qui regarde. Pas moi, mais désolé. Ça parle de quoi, quelqu'un? Ça a trop de classe, je comprends rien. Homeland, bien sûr. Oui, ça c'est nouveau et les critiques sont vraiment pas très bonnes par rapport à la saison en cours. Là. La saison 2? Ouais, mais les gens disent vraiment qu'ils aiment pas la saison. Sur Twitter, en ce moment, là, oui. Ça fait fureur les commentaires négatifs envers Homeland. Ah ouais? Pour vrai. Je dis ça là, à toi, là. Maxime Bétuit. J'ai pas encore commencé à regarder. Parce que t'en as déjà parlé. Fait que tu sais mais pas. Oui, mais j'ai pas... Attends. Défends-toi. Ok, je me défends. La série a tout raflé au dernier Grammy Awards, mm-hmm. C'était au début de l'année. Passant devant Mad Men, ça par contre, ça m'a déçu. Mad Men, c'est mon petit poulain. Quoi. Ton petit poulain. C'est ton petit poulain. C'est mon petit coup de cœur. C'est mon petit. Eh ben. C'est mon petit. C'est ton petit. Bon. C'est mon petit. Enfin. Et donc tout le monde me dit regarde la saison 1, regarde. Si tu commences, tu vas regarder les 13 épisodes d'un coup. Ouais. C'est prenant. Alors du coup, je suis surpris quand même que les scénaristes soient pas capables de faire plus d'une saison correcte. Ils avaient pas ça en eux, peut-être. Vous savez pas ça du tout. Non, mais non. Downton Abbey. Oui, tout le monde parle de Downton Abbey. Ça va jouer à Radio-Canada à l'hiver. Ah ben voilà. Déjà. Bonne raison de regarder. Pour vrai, ben oui. Mettez-vous dedans. Chez nous, encore une fois, on a les... Voilà. Alors ne vous plaignez pas. Et Newsroom, que je ne connais pas, qui est diffusé sur HBO. C'est la nouvelle série de Aaron Sorkin, le gars qui a fait à la Maison Blanche, The West Wing. Très bien aimé. C'est une série qui se passe dans l'univers d'une chaîne câblée de nouvelles à la CNN. Avec des acteurs très bons là-dedans. Pour vrai, ça, j'entends de bonnes choses par rapport à The Newsroom. Alors juste, Mathieu a dit qu'il regardait pas trop les séries avant le début de la chronique. C'est ça j'allais dire. Pour quelqu'un qui connaît pas les séries, tu sais tout de quoi il parle. Je les ai toutes pas regardées. Mais au moins, tu sais de quoi il parle. Je suis au courant. C'est ça l'affaire. J'aime ça être au courant, les affaires. Alors attention, on va voir s'il s'y connaît dans les meilleures séries comiques ou musicales. Smash de NBC. Bon, ça c'est avec une ancienne de American Idol, pour vrai. Ah oui? Pour vrai. Je sais pas. Mais peut-être que ça a été renouvelé. Ça joue à Musimax en ce moment. Au Musimax. Québec. À Musimax. À côté de Sonia Benezro, Smash. Je sais pas, peut-être. Épisode de Showtime. Alors, Ça, c'est la nouvelle série de Matt LeBlanc, de Friends. Ah oui, c'est un... Joey. Joey. Ah mince, moi je pensais à... Pas Chandler, ça c'est Go On sur NBC, oui. C'est ça. Qui apparemment est bien aussi. Ça aussi, pour vrai, ouais. Je pense qu'ils ont tous eu une série qui a pas marché après Friends. Joey a eu Joey, qui était un spin-off qui a duré une saison et demie. Chandler avait eu sa série qui s'appelait Mr. Sunshine sur ABC. Ça a pas duré une saison. Mais là, leur deuxième ou troisième chance, là, ça pourrait marcher. Et Jennifer Aniston a eu « Je me suis fait larguer par mon mari parce qu'il est parti avec une jolie brune aux lèvres pulpeuses ». Ça, c'était la meilleure série. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était assez drôle. Ça a été complètement reviré de bord par la critique, ça. Et comme Jennifer Aniston. Une série qui s'appelle « Épisode », c'est rigolo ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu. C'est pas l'histoire. Je m'avancerai sur l'histoire, puis là, je me tromperai. Non, mais pas une ça. Série qui s'appelle « Épisode ». Oui, mais ça, série, j'aime ça. Parce épisode, que... épisode. T'as regardé quel épisode hier? Ah oui, voilà. Malade. Voilà, c'est quoi l'épisode d'épisode qui jouait? Ouais. Je l'attends, en fait. D'accord. The Big Bang Theory. Oui. Est-ce qu'on la présente encore? Moi, je suis essoufflé de cette série-là. Je trouve. Je sais pas, je me suis tanné rapidement. J'ai écouté une saison et demie. Et puis là, de ces temps-ci, je trouve que ça joue trop partout. Tout le monde regarde cette série-là. C'est comme trop à la mode. Ah, mais je vais pas la regarder alors. Ah! Ça joue à VRAC TV. Ça joue à VRAC TV. Quelle déception! Oui, mais est-ce que la chaîne est importante au final? Non, mais si ça joue là, c'est que ça va plaire à un très grand public de très jeunes. D'accord. Ouais, c'est pour les très jeunes, puis ça... C'est pas supposé être une émission pour enfants. Mais bon. Modern Family. Oui, excellente et très bien cotée, ça. Tu en as dû parler aussi. C'est tout le temps sur la palmarès de tout le monde. Et Girls. Ah, OK, Girls, ouais. Qui est en fait le nouveau en Sex and the City, quelque part. Genre, ouais, mais d'adolescente plus. Ouais, mais pour qu'elle soit nommée quand même, c'est que c'est... Pour qu'elle soit nommée, ouais, non, mais... Gossip Girl n'a jamais été nommée, par exemple. Non, mais dans le sens que ça met en vedette des adolescentes. C'est pas une série pour adolescentes, loin de là. Je pense que ça va plus loin que ça. C'est pas mal osé comme série. L'année dernière, c'était Modern Family qui a gagné. Parfait. Voilà. Meilleure mini-série ou téléfilm. Donc, on a Game Change, que je connais pas. C'est sur la politique américaine. Je crois que c'est avec, c'est pas le Sarah Palin, ça, Game Change? John McCain et Sarah Palin, leur histoire... lors des élections, je crois, mais je pense pas. Alors, on a Game Change, The Girl, The Hardfield et McCoys. Ah, une affaire de cowboy, ça, je pense. ou de gars qui se tirent dessus, quelque chose genre? The Hour, ça j'en ai entendu parler aussi, et Politic Animals. Political Animals. Oui, ça, ça n'a pas duré tellement longtemps, Political Animals. C'était avec une actrice assez connue, mais je ne me rappelle pas laquelle. Je suis surpris qu'il n'y ait pas un petit Spartacus ou un petit Game of Thrones, Throne. J'avoue, ça me surprend aussi. Dans les nominations. Dans les nommés, quoi. Mm-hmm. Et l'an dernier, c'était Downton Abbey qui avait gagné. Meilleure actrice, est-ce qu'on en connaît aussi? Ah, Glenn Close pour Damages. Ah, parfait. Et Michelle Dockery pour Downton Abbey aussi. D'accord. Meilleur acteur, est-ce qu'on en connaît? Bah, on a Damien Lewis de Homeland et John Hamm pour Mad Men. Oh, Jean Rabon. John Hamm. C'est vrai qu'il y a un nom, pauvre nom. Oui. Il y avait un sketch de SNL, Saturday Night Live, avec John Hamm dans son propre rôle qui annonçait le John Hamm. John Hamm, c'était donc du jambon de toilette. À côté du papier de toilette, t'avais un rouleau de jambon puis tu pouvais manger du jambon sur la toilette. Fait que c'était le John Hamm. John Hamm! Parce que John, c'est un nom pour une toilette aussi. Je m'en vais au John. Alors, On termine avec meilleure actrice? Oui. Alors, meilleure actrice. Ah, on a encore meilleure. Parce qu'il distingue drama et comédie. Oui, tout le temps. Donc, meilleure actrice dans une série comique. Julia Louis-Dreyfus pour VIP. Mm-hmm, oui, t'en as déjà parlé. L'affaire de vice-président. Oui. Vice-présidente. Et ça a l'air bien aussi. Oui, très bon. Lena Dunham pour Girls aussi. Et ça, là, c'est pareil, c'est tout le temps les mêmes qui arrivent. Alec Baldwin pour 30 Rock. Oui. Pour les enfants. Ben ça me surprendrait pas qu'il soit gagnant. Je dis ça comme ça parce que 30 Rock se termine cette année. C'est leur dernière saison. D'accord. Donc peut-être que comme genre de coup d'envoi de faire gagner ce gars-là, ça pourrait être bien. J'sais et Matt LeBlanc qui se refait une santé puisqu'il est nommé pour épisode. Tout à fait. Ben, félicitations à lui, il mérite. Il est bon. Oui, c'est vrai que moi j'aime bien cet acteur. Ouais. Et donc voilà, après on a les, bien sûr, on a les seconds rôles. Oui, un paquet de soutien, etc. etc., etc. La liste, évidemment, Golden Globes 2012. Ça se trouve quand même assez facilement. Je poste le lien sur assemblagerequis.com, pourquoi pas. Ah, mais si tu veux. Voilà. Oui, envoie-moi ça. C'est sur allociné.com. Allociné. Au revoir, ciné. Allo, ciné. Ah, et bien sûr, je l'avais déjà dit, mais je leur dis, le prix Cécile B. 2000 Award est remis à Jodie Foster pour l'ensemble de sa carrière. Parfait. Voilà pour les Golden Globes 2012. Ben, j'aurais bien aimé faire les Oscars, hein, mais... Pas encore annoncé, c'est ben ça? Non. Ben non! C'est dans l'attente de ça. C'est triste, hein? Oui. Merci Maxime Béthuy. Merci beaucoup. On te retrouve pas. Ben oui. Jamais. Mais de toute façon, demain tout le monde meurt. C'est quelque chose qu'il faut bien assimiler. Ben, si on meurt pas, nous autres on va tout de suite les chroniqueurs pareil. Bon. T'as déjà... non, je ne voulais pas dire en ondes. Oups! Ouais. Attention. bon retour chez toi. Merci. Merci pour ta collaboration à l'émission pendant quoi presque toute la session. C'était une mini-série. Oui, mini-série avec une fin annoncée. Oui. Un peu comme plusieurs séries. En une saison, quoi. Ben, c'est ça. Bref. Une saison a fait le tour, la deuxième saison aurait été mauvaise comme Homeland. ça passe bref ici? Homeland, je sais pas. Non, bref. Bref, non, je pense pas. Ça peut-tu? Tout j'ai entendu parler que ça a été dit sur le Québec. Les gens se le partagent sur Facebook pas mal. Je sais pas si ça joue à la télé. Aucune idée. Ça devrait arriver. Pourquoi tu me demandais ça? Parce que bref, ils ont arrêté au bout d'une saison parce que le créateur a dit j'ai adoré la première saison de Prison Break, beaucoup moins la deuxième, presque pas la troisième et pas du tout la quatrième. Tu veux arrêter parce que t'étais encore, bon selon toi-même. Voilà. Voilà. Non mais c'est un plaisir de... J'ai été très bien accueilli au Québec. J'ai beaucoup aimé parler de télé et de cinéma avec toi. Ah, merci Mathieu, ça me va droit au cœur. Adieu. On va pas s'éterniser sur les adieux, mais au revoir. Maxime Béthuy. Non, bah sinon, demain on y est encore, mais comme demain on est tous morts. Arrête d'être pessimiste de même, là. Mais moi je suis dans l'avion, donc je vous dis. À moins d'une météorite. Va faire tes sacs. Oui, c'est vrai, faut que j'aille faire mes sacs. Ouais, malheureusement. Au retour, on reçoit Stéphanie Paradis qui est toujours là. Oui. Ouais. Yeah. Mmh. On va parler évidemment d'un sujet que je sais pas encore c'est quoi, fait que je dirai pas c'est quoi. C'est une surprise. J'ai vu c'est quoi de ta feuille, mais je vais faire comme si je savais pas. Oh, quand même. Je sais pas. Pour l'instant, on écoute Noël. Voici leur extrait du palmarès. C'est Beltane, 89 FM. Puis après ça, Stéphanie, Paradis, pour le reste de l'émission. Cercle de pierre, tout près du bosquet. des sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande dans ta clairière de Brocéliande. Dans la forêt où le fond me brame, tout près du lac de la Dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Laisse-moi humer à la belle dame tous tes effluves qui émanent. Je t'écrirai une légende dans ta clairière de Brocéliande. Viens réchauffer tes allumées près du brasier de l'homme étoilé. Des incantations de Talisiel breton. Reviens avec moi, Marouika. Faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en sabbat et le vivant comme des sylvains. Puis des gaufres. Oh non, il est midi, moi dîner. C'est lundi, à Assemblage Requis. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage Requis et vous aimez ça. Il est quelle heure? 8h34 à Assemblage Requis. François-Louis Marchand est toujours là. Mathieu Plante aussi. Stéphanie Paradis. Toujours. Eh! Ouais, Mathieu Blanc, 3 personnes. Hey, on dirait une émission du matin sur une chaîne là, de radio. Là, une station générique. Station sur les ondes de cette station. Voilà. Dans quelques minutes, Stéphanie Paradis. Oui. Avec une chronique. Est-ce que tu veux juste nous annoncer un petit quelque chose, juste nous agacer un peu? Un petit quelque chose. Ouais. C'est un testé et désapprouvé. Ah! Hein? Testé et désapprouvé. Ça vous donne-tu des indices? Des gadgets de crotte? Quoi? Gadgets de crottes. Ouais. Pas des gadgets. Hein? Pour ramasser des crottes. Quoi? Pour un chat, pour la litière. Je veux pas de la crotte. Ouais, je parle de ça pendant une demi-heure. Des petites pelles à crotte. Pour l'instant, M83. Midnight City, pièce que j'adore, hein, de la formation M83. J'adore cette chanson-là. C'est calme, c'est doux, c'est bon. Pas mal instrumental, quasiment. Ouais, ça, ouais, hein? ouais, c'est bon. M83, assemblage requis. Il est 8h38 minutes. Et maintenant, Stéphanie Paradis nous amène une nouvelle chronique testée et désapprouvée. J'espère que ce ne sera pas le cas de ma chronique, que ce sera désapprouvé. Si ça revient pas en janvier, vous aurez compris. Fait que si je reviens, peut-être avec d'autres choses. Ce sera la même chose, c'est que ça n'aura pas marché. Et David Ferrault me dit que tu vas parler du iPhone 5. Moi, testé ça? Et désapprouvé. Il y a une chance qu'il n'a pas fait de blague sur Windows 8, parce que ça aurait été dans son genre. Pas mal. David Ferrault est matinal ce matin. Ben oui. Ben, il est 8h30. Ouais. Oh oui, quand même. Mais le premier jour de Paul dans la session, tu sais. Deuxième. De congé. Deuxième jour. Ça finissait mardi. D'accord. Ah ouais? Raison. Ouais. Il y avait quand même pas mal de monde hier. Moi, je trouvais ça aussi, moi, pour vrai. Ben, les examens, ils se terminaient mardi. Eh ben. Ben, coudonc, il y en a qui ont fait des heures supplémentaires. Ben, voilà, voilà. Donc, c'est quoi se tester et désapprouver, Stéphanie? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de comment se remettre d'une peine d'amour. OK, donc le concept, c'est quoi? C'est que tu essaies des choses? Le concept, c'est que je vais tester des trucs qu'on retrouve sur Internet pour voir si ça fonctionne pour vrai. Dans la vraie vie. Ouais, là, fait réel, fait vécu. J'ai mon petit préambule, là. OK. OK. Donc, instinctivement, on sait que l'être humain réagit une peine d'amour en s'isolant. Donc, on peut se rendre compte à ce moment-là que l'instinct de l'homme, ben, ça laisse à désirer. Parce qu'il arrête de se laver, s'habille en jogging, mange la scrap, boit beaucoup trop d'alcool, écoute de la musique super triste pour alimenter son désespoir et tente inconsciemment ou non de faire pitié. T'es pas okay? d'accord? On va se non, l'avouer. Non, non, on va se l'avouer quand t'es en peine d'amour. Hey, tu te laves quand non, même. Non, non, tu veux faire pitié. Tu te laves d'autant plus. Attends un peu, toi, là. Pour pogner plus. Mais ça, oui, exactement. Hey, dans les premiers jours, t'es enfermé chez vous. Pis tu fais pitié. Si t'es vraiment en peine d'amour, si c'est toi qui as laissé l'autre personne, peut-être que t'es pas tant en peine d'amour parce que t'étais pas en amour avec elle, quelque chose comme ça. Non, non, mais écoute, une peine d'amour, je sais pas. Écoute, moi, en tout cas, quand ça m'est déjà arrivé, j'allais me péter la face d'un bar, mais tu sais, j'étais propre et puis... je sais pas, j'avais pas le goût d'être isolé. Je sais pas. Chacun réagit différemment. Ah, oui, oui, oui. Tout le monde réagit différemment. Mais en général. Mais en général, là, t'es comme... T'es mou. T'es mou, ouais, oui, t'es mou, tu veux faire pitié parce que t'es masochiste. Dans tout le monde écoute de la musique triste, t'es comme ah, pourquoi ma vie c'est de la chenoute. Comme Isola Blanc. Ouais, c'est ça, mange exactement. Ah oui, elle m'a vraiment beaucoup inspirée pour ben, ça. Ben oui. Fait que quand t'es en peine d'amour, ben l'homme est un peu pathétique, tu sais, en général. En général. Écoute, je m'excuse François, si tu fais partie des hommes pathétiques, ben sors de ma chronique. Mais tu parlais vraiment des hommes, de l'homme comme l'homme. L'homme avec un H majuscule. La personne, là. Le genre l'être humain. L'être humain. D'accord. L'être humain. Non, non, je mais ça, c'est pas peut-être plus vrai pour les filles. Avec ouais. La face dans la crème glacée. La part de biscuits. Je veux pas généraliser. Mais écoute, écoute. Moi, je parle de moi, là, en général, mais... OK, tu parles de toi, non, ton non, expérience mais pas personnelle. Moi, juste... Non, mais écoute, là, on généralise. Oh, ouais, okay. On généralise. Parfait. OK? Donc, ben justement, moi, je viens de me séparer. Ça faisait 4 ans de vie commune. J'ai encore des rechutes de pathétisme, là. Fait que, disons, la fin de semaine, quand je suis seule dans mon nouvel appart, ça arrive, là, je me morfonds, puis je m'assis sur le plancher froid de la cuisine avec ma robe de chambre là, qui a un peu trop de vécu pour ton être acceptable socialement. Non, non, mon snuggie, là, j'ai le goût de mettre le feu dedans, c'est vraiment pas cool. C'est parce que t'en as un? Oui, j'en ai un, mais je l'ai en cadeau. Il est-tu zébré ou il est rose ou il est bleu? Il est bleu, c'est pas un vrai, pas un vrai snuggie. Hey, imagine, c'est tant qu'acheter un snuggie, achète un vrai snuggie. C'est-tu un slanket? Un quoi? Un slanket, c'est une autre marque, non? Écoute, je le sais pas. J'ai eu ça en cadeau, puis c'était un usagé en plus. Là. Ah! Tout ça. C'est un usagé, ça? De... Non, non, mais. Ok, garde. C'est pas important. Tranche de vie. Tranche de vie. On mousse ta chronique, là. C'est mais, qu'on fait. Non, non. On rajoute du contenu. Ouais, c'est... Tu veux-tu continuer? Je peux, non, vas-y, je peux vas-y. Passer mes notes. Fait que c'est ça. Une robe de chambre qui a beaucoup trop de vécu, puis tu sais, t'en regardes dans le vide un peu, puis t'as pas l'air sain d'esprit. Puis tu te dis, maudit que la vie, c'est de la chenoute. J'ai même pensé à un moment donné d'arrêter de m'acheter du mascara hydrofuge là, pour faire des cernes de raton laveur, faire plus pitié là, comme oui, dans les films. On... Colin, hey. Mais là, dans un de mes moments de lucidité, j'ai finalement eu la douteuse idée d'aller fouiller sur Internet pour dénicher des trucs pour reprendre ma vie en main. Et on sait qu'Internet, c'est toujours vrai. Mais oh, oui. C'est facile, mais ça coûte cher. Non, est-ce que je me trompe? Ben, j'imagine qu'il faut que tu achètes des trucs, faut que tu changes des idées. Comme quoi, mettons? Mais, des ouais. Non, ben, tu t'achètes des je sais pas, ce que t'aimes. Pour reprendre sa vie en main, ça prend de l'argent, effectivement. Fait que... C'est plate un peu, ça, à ce niveau-là. Ouais, ben, justement, je vais en parler allons-y. Un petit peu de tout ça, là. Fait que, finalement, ben, j'ai découvert là, sur Internet, ou plutôt confirmé que tout ce qu'ils disent, c'est pas vraiment génial, là. Fait que, mais j'ai rien à perdre, donc pourquoi pas tester l'efficacité de ces tests-là. T'as tout ton de ces temps, trucs-là, ça m'a inspiré. Donc, le premier truc que j'ai trouvé, c'était de garder l'esprit et le corps occupés. Fait que là, sur le coup que j'ai vu le corps occupé, j'ai trouvé ça un peu louche, là, mais... Faut garder le faut garder non, le corps occupé, moi, non, mais c'est de t'entraîner, c'est de faire des activités, c'est justement pour pas de ouais, c'est ça. Stagner, c'est ça. Fait que, mettons, la première idée pour garder l'esprit et le corps occupé, c'était de s'inscrire à de nouvelles activités. Mais là, vraiment, je cherchais s'inscrire à des nouvelles activités. Je me suis dit, je vais pas commencer à prendre des cours de tango. En non, plus, ça se fait à deux, là, je suis seule, là, venez pas me faire chier. Ah, c'est ça triste, hein. Venez pas me faire chier. Non, mais c'est ça, exactement. Ou sinon, écoute, tu y vas avec des activités que tu fais déjà d'emblée. Exemple, tu fais du ski, bon, t'appelles tes amis, tu vas faire du ski. T'en fais juste plus que t'en faisais quand t'étais en cours. C'est ça, c'est ça, exactement. Je fais pas de ski. Non, non, mais c'est un exemple, là. La course à pied. Ouais. Mais non, mais tu sais, honnêtement, quand je pense à s'inscrire à des activités, là, je vois, je sais pas, là, des cours de dessin, de tango, de bingo, puis ça a tout l'air plat, tu sais. Faire de la radio, mettons. Fait que... Hein? faire la radio. Mais je suis pas sûr que ça soit une si bonne idée que ça de s'inscrire à une nouvelle activité. Tu sais, pense à toi, fais ce que t'aimes. Mais c'est ça, des fois, essayer des nouveaux trucs. Peut-être, mais ça peut créer un stress. Mais bref, aussi. Ça, j'ai pas trouvé d'activité, puis j'avais pas une scène, fait que ça a pas vraiment marché. Je me suis pas rendu super loin dans ce truc-là. Ok, parfait. Fait que ça a pas marché. Après ça, il disait aussi accepter des invitations de vos amis. Ben moi, mes amis, ils étaient tous en fin de session, fait qu'il avait pas beaucoup de temps à m'accorder, puis je le comprends totalement. Ça n'a pas vraiment marché parce que j'ai pas eu vraiment d'invitations, fait que. Et t'en as pas envoyé toi-même? Ben, tu sais, il faut que je sorte de ma robe de chambre, puis j'ai même pensé la garder un matin là, pour venir dans ma robe de chambre. Fait pas non, il y a pas personne pour m'avoir en plus. Ben, à part vous autres, on s'en fout de vous autres. Hey! C'est pas important. Ah! Fait que bref, ça a pas marché. L'autre option aussi, c'était, sortez! Sortez! Là, sortez, je savais pas trop ce qu'il voulait dire, tu sais, sortir où? Fait que j'ai sorti mes vidanges. Fait que ça pue moins chez nous, mais. Good! Je suis pas de meilleure humeur. Fait que ça va marcher non plus. Le deuxième truc, c'était de penser à soi-même. Comme par exemple, manger ce qui vous fait plaisir. Par exemple, acheter quelque chose que votre ex n'approuvait pas. Qui t'empêchait de manger? Mais ça, là, pour vrai, là, je l'ai fait instinctivement, OK? Ben, donc, d'emblée! Écoute. Avant de trouver le truc, là, je me suis vraiment gâtée solide. Je me suis acheté un pain au raisin. non, mais tu sais, un pain. Je me suis gâtée. Parce que mon ex, il sait ça pour mourir les raisins secs. Fait que moi, par frustration, là, j'ai le goût de manger du pain au raisin pour le restant de mes jours, là. Fait que, c'est ça. Ça va être beau. Ça va se remettre à sentir mauvais chez vous, je pense. Qu'est-ce que t'as contre le pain au raisin? Ça fait. Non, pas du tout. Ben oui, des raisins, des prunes, comment? Non, moi, mon système est. T'as un bon système? Ouais, moi, il est de mon bord. T'as fait des mises à jour. OK. Après ça, là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire yark, là, mais j'ai cuisiné un de mes repas préférés que ma mère me faisait jadis, de la soupe aux palourdes. Ah, du clam chowder? C'est bon, ça, j'adore ça. Mais en tout cas, fait que je me suis fait une bonne soupe aux palourdes, mais une grosse chaudronnée, là. Oh, oui. Parce que moi, je sais pas cuisiner pour un. Soit dit en passant, j'ai toujours cuisiné pour, comme moi, puis un gars qui mange vraiment beaucoup trop, donc 4 portions. Je sais pas comment cuisiner pour moins que ça. Fait que je me suis fait une méga chaudronnée. J'en ai mangé pendant 4 jours, ça m'a pas dérangé. C'était bon, puis je pensais même en manger au déjeuner avec mon pain au raisin. C'était. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'était la deuxième chose qui haïssait le plus au monde, c'était les palourdes. Fait que, tu sais, je me serais pas permis de faire ça avant, parce que. Tu sais, ça a l'air super vieux jeu comme façon de penser, mais moi, je prends ça pour ma responsabilité de nourrir mon homme. T'es une bonne femme, tu sais. Fait que, tu sais, moi, me faire à souper, puis... Mais non, mais je sais pas, moi, me faire à souper... Pour une fois qu'on peut traiter une femme de si de un sexiste. Gars demandait ça à sa femme, c'est sexiste. Mais si une femme le fait, c'est parce qu'elle l'accepte et elle veut le faire. Je suis pas super féministe dans la vie. Okay. Moi, j'aime ça faire à manger à mon homme. Puis honnêtement, tu sais, si j'arrive, je me sens mal de dire « je me fais un bol de céréales, arrange-toi, puis je sais qu'il cuisine pas pantoute », je me sentais coupable. Fait que, c'est de savoir se débrouiller aussi, là, tu sais. Oh non, je sais, mais il se débrouillait, mais moi, je me sentais mal. J'espère, sinon ta survie est... Mais là, je me sens libérée, parce que j'ai pas personne d'autre à nourrir à part mon chat. Puis mon chat, c'est pas super compliqué, elle mange la même moulée depuis 3 ans, là, puis elle mange la même moulée que moi. C'est ça. Mais pour vrai, je trouverais ça super pratique de nourrir un éventuel chum avec de la moulée. Tu sais, c'est super facile, mange ta moulée, puis... Cœur-moi plus. Fait que ça, honnêtement, à chaque bouchée, c'était du réconfort. Donc joke ça, ce viande, truc-là, ça marche. Joke de viande. Bouchée, c'est une blague. OK. Parce qu'à chaque fois que je dis ça m'a l'air, tu fais blague dedans. Ça. Joke dedans. Fait que je le fasse. OK, fait que là, à chaque fois que je dis bouchée, c'est une joke de viande. C'est ça. OK. Après ça, allez où vous voulez. Ben là, je me suis gâtée, je me suis botté les fesses, puis je suis sortie de chez nous. Je suis allée voir un show, soit dit en passant, qui était la descente du coude. Les soirées cachées, c'est fou. Merveilleux. Puis j'ai vraiment bien fait de sortir. Ça fait du bien, le spectacle est excellent. Mm-hmm. Puis c'est pas que j'avais pas le droit de sortir avant, mais tu sais, j'étais comme, j'ai pas le goût d'y aller parce non, mais que tu y vas pas. Mais non, mais t'es bien, t'es dans un certain confort. Puis tu sais, en fait, de sortir le soir aussi, de passer un certain âge, j'adore. J'ai de l'air super vieux jeu en ce moment, là, mais... Ah oui. Crime, et quand même. J'ai jamais vraiment sorti le soir. Je suis pas sorteuse, tu sais. Ah ouais? Ah non, moi dans le temps, j'aimais bien ça. Écoute, j'ai jamais été sorteuse. Mon père, il m'a dit même au cégep que j'avais une vie de grand-père. Oh, oh ouais. Tu sais, j'écoutais mes petits téléromans, puis je me couchais de bonne heure à 9h, puis oh, j'étais plate. Encore plus plate. Hein? Après ça, troisième truc, vivre sa peine. Là, j'étais comme, ouais, oh, oui, je le sais, tu sais. Je la vis, là. Justement, passer par-dessus, donne-moi un truc qui a du bon sens. Tu sais, c'était pas fort, là. Comme truc, pleurer. C'est comme, oui, merci, j'ai essayé, tu sais. J'aimerais ça passer à autre chose, là. C'est comme, ça vaut-tu vraiment la peine de le spécifier? Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Il disait aussi crier. Ah. Ben, écoute, ça fait du bien, mais ça règle pas grand-chose à long terme, là. C'est assez éphémère comme soulagement. Mais j'approuve quand même le truc. Il y a peut-être juste mes voisins qui l'approuvent un peu moins. Mais l'idée, c'est vraiment de pas trouver une bouée de secours. Tu sais, souvent, c'est facile. Un one night stand ou ben, en sourire sur quelqu'un d'autre tout de suite. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est plus de ce niveau-là. Ouais, non. Mais. C'est parce que ça bâtit une relation. Non, mais sans nécessairement parler one night. Non, ça bâtit une relation sur le fait de « aide-moi, je suis dans la détresse ». Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, en fait, est-ce que je t'aime vraiment pour les bonnes raisons? Puis, tu sais. Oh, je comprends. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va dans ce sens-là. Faut que tu passes par-dessus. Ouais, c'est ça. Tu peux pas bâtir autre chose, c'est déjà de la peine. C'est ça. Je pense que c'était plus à ce niveau-là. Et finalement, quatrième truc, sociabiliser. Donc, par exemple, rencontrer une nouvelle personne. Ouais, c'est ça. Va parler à la radio de tes problèmes. Ben oui, bonne idée. Donc, ils disent de rencontrer des nouvelles personnes. Ça a peut-être l'air facile de même, là, mais je sais pas si c'est moi qui comprends rien à la vie, mais je sais pas comment on fait pour rencontrer des nouvelles personnes volontairement, tu sais. Parce que moi, je suis du genre à aller faire mon épicerie dans le moment le plus tranquille de la semaine. Ben oui. Moi aussi, ça m'énerve. Parce que moi, là, j'aille ça me retrouver dans la situation où Huguette stationne son panier en plein milieu de l'allée pour parler à Nicole qui a pas vu depuis 2 mois. Puis comme, ouais, puis en fait, ça va te passer. T'as-tu vu Gérard? Puis... Hey, honnêtement, là, ça me... Il devrait y avoir des klaxons sur les paniers. Ah, ouais, tu sais. Mip, mip. Ah, ouais. Roadrunner. Ça serait vraiment... Mmh. Non? Non, non, mmh. Pas ça. Puis sinon, on me dit, va dans un bar. Non, mais va dans un bar. Je vois pas sincèrement l'intérêt de me faire des amis ou voir un chum dans un bar parce qu'il risque par le fait même de que ce soit une activité qu'il aime. Puis moi, j'aime pas ça. C'est ça, c'est du monde de bar qui vont dans les bars. Fait que tu vas rencontrer une personne de bar, puis c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est pas ça que je veux, moi. Fait que ça n'a pas rapport du tout. Mais sinon, tu peux sortir dans les bars avec tes amis qui c'est eux ça. Autres, en là, fait, qui, là, sont plus en fin de session. Oui, et c'est que, mettons, il y a une gang de gars, amis gars, mettons, qui sortent en même temps, puis tu peux espérer qu'ils te présentent. Ouais, c'est ça, mais tu sais, j'ai pas tant des amis de bar à la base déjà, tu sais. Bon, ouais, mais il y a des bars vraiment plus relax, là, je te dis pas de va dans un café à la place. Va dans un café à la place d'un bar, non? Ouais, mais ça peut fonctionner. La bibliothèque, va-tu chez la bibliothèque? Ouais, la bibliothèque? La bibliothèque, celui-là. Ouais, pour voir la petite exposition. La petite bibliothécaire sexy. Il y a sûrement ça existe. L'exposition sur le vin, ouais. Les livres, les pamphlets, puis les... Dépliants, qu'on dit. Dépliants sur un présentoir. Un stand, en tout cas. Ouais, en tout cas, OK. Fait que, ben, bref, je trouve que tous les trucs que j'ai essayés, c'était fondamentalement poche. Parce que c'est des trucs que, à la base, n'importe quel humain logiquement constitué va les trouver par lui-même là, pour s'en sortir. Fait que... Puis, d'acheter, c'est de base, tu sais. C'est de base, c'est normal. Ouais, c'est ça. Fait que je veux dire, comme truc, c'était... Bof, tu sais, j'ai rien appris de nouveau. Ben, c'est le genre de choses que tu lirais dans genre fille d'aujourd'hui ou ouais, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Full c'est cool. Des revues plates, ouais. Là. Mais en tout cas, fait que je considère que tous ces trucs-là, tu sais... Je pense qu'on peut pas juste... fuir la solitude. Tu sais, eux autres, ils ont vraiment l'air de « reste pas tout seul ». Mais pourtant, moi, je pense qu'il faut que tu apprennes justement à vivre avec toi-même puis de pas juste fuir la solitude. J'ai aussi trouvé des petites phrases étranges sur les différents sites là, où ils donnaient des trucs. Une phrase, entre autres, qui disait « parfois, les gens se sentent tout de même en peine d'amour à propos d'un sous ou demi-partenaire ». Là, j'essayais de comprendre c'était quoi ça, un sous ou un demi-partenaire. Là, c'est un sous-partenaire ou un demi-partenaire. C'est ça, un sous-partenaire ou un demi-partenaire. Et là, j'étais comme, c'est quoi ça? Ouais. Fait que je le sais pas. T'as pas cherché. Mais je veux dire, ça voulait rien dire, là. Je veux dire, c'est quoi? C'est une fréquentation. Je m'excuse si t'es en peine d'amour pendant 3 ans pour une fréquentation, décroche, tu sais. Puis sinon, il y avait aussi un conseil qui donnait... Si ça passe pas vraiment, mais alors vraiment pas, consultez notre fiche comment récupérer son ex. Non. Là, j'ai comme, et quelle mauvaise idée. Ben non, s'il y a eu rupture. Ouais, ta relation est finie, mais décroche. Oui. Là. Fait que là, je me suis dit, on dirait un petit site pour adolescents, tu sais. Il ne me regarde pas, il aime ma meilleure amie. Hein? Puis, c'est tellement pas des problèmes. Habille-toi plus sexy. Ouais, c'est ça. Ça peut régler bien des problèmes. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, je pense que finalement, le vrai truc pour se remettre d'une peine d'amour, c'est vraiment de réaliser les petits bonheurs de tous les jours, nos nouveaux petits bonheurs qu'on rencontre dans la vie qu'on n'avait pas avant quand on était à deux. Comme, par exemple, manger un sac de munchies sans trier ce qu'il y a dedans, OK? Moi, j'avais... Mais les Sun Chips, c'est meilleur. Les Sun Chips. Non, mais moi, j'avais besoin d'un bretzel à chaque bouchée. OK. Et on dit que... J'avais besoin d'un bretzel. Elle fait un sandwich de... Non, mais on dirait que j'étais toujours à la conquête d'un bretzel parce dans qu'il mon mangeait sac. Tout. Mais, tu sais, il y avait comme un conflit d'intérêts, mais là, j'ai mon sac de munchies à moi tout seul. Fait qu'il y a personne qui touche à mes bretzels. Tu sais que tu peux t'acheter un sac de bretzel aussi. Non, c'est mais c'est bon de mélanger. Je vais pas m'acheter un sac de bretzel avec un sac de munchies. Conseil, OK? Conseil, attention. Prends un gros sac de munchies, OK? Parce qu'il est à peu près à moitié plein ou à moitié vide, dépendant de comment vous regardez ça. Puis dompe un sac de Roll Gold dedans. Tu dompe le sac de Roll Gold directement dans les munchies. Puis là, tu brasses, shake. T'as la chicken. Là, ça fait partir. T'as un gros munchies avec plein de bretzel. Il va falloir que je m'invite du monde. Il va en avoir beaucoup trop, là. Puis je vais avoir le même problème. Tu peux pas avoir trop. Il va falloir qu'on trie les chips. Finalement, un autre petit truc qui me rend vraiment heureuse. Dormir en plein milieu du lit. Ah, le bonheur. Non, ça a quand même pris une semaine avant que je réalise que je pouvais me tasser du côté gauche. Il y a deux côtés. Je restais de mon côté comme s'il y avait quelqu'un. Là, j'étais comme, non. Tu en plein milieu, la je fais l'étoile, puis la vie est belle. Puis sinon, justement, parlant de mon chat, j'ai maintenant tout son amour. Oui. Fait que je le sais. Quand j'arrive, c'est moi qui vient voir. Ouais. Le soir, en avant de la TV, c'est sur moi qui vient s'enrouler puis se coucher en cuillère. Je suis maintenant... C'est avec toi qu'elle veut avoir des bébés. Oh, c'est bizarre. Fait que maintenant, je sais que je peux m'approprier l'amour du chat et je suis le seul être important dans sa vie. Formidable. Ouais. C'est bon. C'est tout? Oui, ouais. C'est tout. J'ai pas d'autres petits bonheurs de la vie autre que ça, que les munchies, le lit et le chat. T'as du goût. C'est de ça que ça a l'air une chronique pas sérieuse et pas du zone campus avec Stéphanie Paradis. C'est le fun, hein? Oui. On a eu du plaisir. Tu reviens en janvier avec une deuxième chronique, peut-être? Je suis désapprouvée. Non, on t'approuve. On approuve et on seconde et on entérine. C'est et on entérine de bison. Hein? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Entériner? Entérine de bison. Une terrine de bison. OK, terrine de des bison. Des petits caclins. Non, mais j'étais comme plus sûr là, de son jeu de mots. Là. C'était louche. C'était très louche. Mais bon. Comme merci. D'hab. Comme d'hab. As usual. Merci Stéphanie Paradis. Ben, ça fait plaisir. Yeah. On retourne écouter Demi Robitaille. On vient pour se quitter juste après. Ouais, on devrait se quitter là, mais on va le faire pareil. Parce que, ouais. Bon. Demi Robitaille. Ta maman Mamadou. Tu pour te remettre d'une peine d'amour, là. Ta maman Mamadou. Ta maman, la maman de Mamadou. Ouais. La maman d'Amadou, qui est un Africain. Son papa, il s'en fout. Amadou, bengalais. Le président. Ta maman Mamadou. Et ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou, et puis ton papa s'en fout. Hey, devine qui j'ai vu ce soir, quand j'ai fait un tour au bar. Au beau milieu d'une salle comble, celle qui t'a mise au monde. Autrement dit, c'était ta mère qui démontrait son savoir-faire. Elle bougeait son bassin, pour elle pas de lendemain, comme si elle avait 20 ans de moins. Dans le noir, lui donner l'allure d'une cougar. Et elle me fixait comme sa proie. MILF, j'ai vu ses griffes quand elle a sauté sur moi. Ta maman Mamadou et ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou et puis ton papa s'en fout. Qu'il voulait me dire, tente ta chance avec une femme d'expérience. Ou bien, viens nous vivre une aventure avec une femme d'âge mûr. Contre mon corps, s'est collé et dans l'oreille m'a chuchoté des mots si doux, des mots si tendres. Tu feras tellement un bon gendre. Elle m'a montré ta photo. Les pupilles. Ta maman Mamadou. Et puis ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou. Et puis ton papa s'en fout. Yeah. Maman est square. Damien Robitaille et ta maman Mamadou sur son album Omniprésent. C'est ce qu'on vient d'entendre. C'est ce qui termine l'édition d'automne. Pas mal l'assemblage. 2012. L'assemblage réussi. Merci à tous nos collaborateurs et chroniqueurs au cours de la session. Est-ce qu'on y va dans l'ordre et très, très rapidement? OK, Véronique Mire, Sébastien Dulude, ouais. Alexandra Carignan, Maxime Tanguay, Michel Lebrun, David Ferron, Stéphanie Paradis. Oui, Jasmine Raymond-Réville, Anne-Julie Durocher, Maxime Bilodeau, exactement. Maxime Bétuy, François Landry, vous d'avoir été à l'écoute. Exactement, et tous les autres, là, en fait, là, tous les artistes, blablabla. Tout le monde. Justine Renaud, DJ Catardi. Moi, je vous retrouve à 15h tout à l'heure pour la compilation. C'était fou en 2012 en compagnie d'Alexandra Carignan. On va vous présenter le top 50 de l'année. Avant ça, à 11h, c'est le dîner de con. N'oubliez pas d'écouter les deux émissions spéciales pendant les fêtes. 26-27 décembre à 7h, il y aura Dulude Carignan et associés. Et d'une foulée à l'autre, deux émissions spéciales, 26-27 décembre, 2 et 3 janvier. Voilà. Génial. Les gars de l'émission La Belle et Bête s'en viennent dans quelques minutes à partir de 10h. Et c'est ça? 9h et 2-3. 9h et 2-3. Pour l'instant, Karim Ouellet, bye. Bonne fin de semaine. Salut. Bye bye. Pas à lundi. T'es tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.